J'ai vu de la lumière, 21h-23h sur Indestar. Place à l'impro. Place à l'impro, tout à fait. Bonjour à tous, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver en ce mardi soir. Est-ce que ça va dans le studio? Ouais. Formidable. Super. Encore une émission, confinement. On a joué le jeu. Techniquement, on aurait pu avoir 5 invités, mais j'ai décidé de garder avec 2 invités seulement. Des invités de qualité que je vais présenter sans plus attendre. Donc on a à ma gauche Monsieur Jean, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, super, nickel, merci pour l'invite. Parle bien dans le micro par contre. Merci pour l'invite. Voilà, nickel. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu veux te présenter peut-être? Je suis actuellement veilleur de nuit, mais à côté de ça je suis humoriste, donc là c'est la pause pour l'instant, mais je reprendrai... En septembre, à la rentrée. On peut faire ta petite pub peut-être. Ton pseudonyme c'est Rony, c'est ça? C'est ça, Rony, R-O-N-Y, qui est sur Instagram, Rony Humour, donc R-O-N-Y, Humour, voilà, tout attaché. Formidable, super. Théo, bonjour. Bonjour. Alors toi Théo. Oui. Tu, à part faire des accents à la con. Bah écoute, on fait avec ce qu'on a, hein, dire. Ah non, mais je critique pas, loin de moi cette idée. Enfin. Ah, c'est gentil. Tu es au conservatoire de théâtre? Exactement, ça n'a pas. Au conservatoire en stand-by moment. Hein. Confinement oblige. C'est ça. Et puis à côté de ça, comme d'habitude, je suis toujours surveillant au collège Jeanne de la Bruyère. Ah d'accord. Est-ce que tu veux passer un petit coucou à tes élèves? Là, je vais faire comme sur Skyrock, gros édicace au collège Jeanne de la Bruyère. À tous les AED, John, Sabrina, Julie, Rémi, Marine, Ayayouille. Formidable. Voilà. Petite dédicace Jean avant de commencer? Petite dédicace à tous les intermittents du spectacle pour qui c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais faut rien lâcher. Et puis justement des émissions comme Indestar et tout ce qui se fait en ce moment sur les réseaux. Voilà, on serre les coudes, on va y arriver. Alors tu vas te faire lapider, mais Indestar c'est pas une émission, c'est la radio. La radio, oui. La... Il commence, ça y est, il est parti. Je vais le rapporter à Théo, tu vas voir ce qu'il va te faire. Oh non. C'est un beau message pourtant, il a fallu que tu te plantes dans le monde. C'est un beau message par contre, oui, voilà. Bien sûr. Merci Théo. Voilà, quand on n'est pas foutu de connaître le nom de l'émission dans laquelle on va, quand même, j'estime que voilà. Pourtant, on avait révisé dans la voiture, genre. On avait révisé. On a fait ça dans la voiture, voilà. Il est incroyable. Pire qu'un enfant. Que ce moment-là, j'ai. Ouais. Il a fait 2 choses, Jean. Il a révisé, il a demandé quand est-ce qu'on s'arrêtait pour faire pipi. Oui, c'est... D'ailleurs, on s'est jamais arrêté pour faire pipi. Hein, c'est pour ça que l'odeur dans les studios. Bon, ouais. On va passer à autre chose. Enchaîne. Enfin, vous l'avez écrit, une bonne ambiance. Voilà, on est à 3 personnes, mais on dirait qu'on est 50. C'est formidable. Donc, une émission qui est disponible en podcast, bien sûr, sur le site de indestar.fr, ainsi que sur iTunes, Spotify, Deezer et plein d'autres plateformes de podcast. Donc, n'hésitez pas à les écouter. Présentation des invités, ça c'est bon. Est-ce que tu peux spécifier qu'on a tous les trois des charlottes sur la tête? C'est vrai, qu'on a l'air de cons, enfin de chirurgiens, mais sans rien à chirurgien. Si on va par là. Parce que les gens, ils nous entendent, ils s'imaginent des trucs, mais nous, on se voit les uns les autres. Ouais, je peux vous garantir que... C'est pour ça je suis très content de faire de la radio et pas de la télé. Parce qu'on voit pas. Ah bah pour le coup, ouais. Charlotte sur le micro, Charlotte sur la tête. C'est ça. Les 3 bouchées en pause, quoi. Vraiment. Donc aujourd'hui, je vous ai prévu, comme d'habitude, 6 improvisations, 6 scénarios d'improvisation, 6 squelettes de sketch où je vais vous donner des personnages, vous allez devoir les incarner, les faire ce qui se passe des choses, faire avancer l'histoire. Et aujourd'hui, j'ai fait des improvisations peut-être un petit peu plus expérimentales, j'allais dire aimantales, pour aucune raison. T'as faim? Ouais, c'est... Non, j'ai mangé pourtant. Mais ouais, des trucs un petit peu plus expérimentales que j'avais jamais fait avant et que j'avais envie de faire. Ça va être très cool quand même, hein, vous inquiétez pas. Donc je vous fais un petit peu le résumé des thèmes de l'émission. On aura une histoire, là c'est expérimental parce que j'arrive pas à mettre un nom dessus. C'est pratique. On aura une improvisation sur l'écriture, sur les styles d'écriture, voilà. Ok. Non, ça va être marrant, hein, vous inquiétez pas. Ça a l'air... Voilà, vous avez 4 heures, c'est une dissertation, allez on est parti. Ah si seulement. Non, les exercices de style un petit peu. On aura un shonen. Oh. Voilà, donc un manga pour ceux qui ne connaissent pas. Ça y est, on a déjà craqué, ça y est. On aura la vie de 2 frères, toute une vie résumée en une improvisation. Ok. On aura une improvisation en mode jeu de rôle. Donc j'ai ramené mes petits dés et ça va servir pour le jeu de rôle. Donc. Stylé. Et la thématique, c'est le jeu de rôle post-apocalyptique. Ah oh, bah voilà. Jean et moi en situation post-après. Ok, d'accord. Voilà, c'est ça. Bon. C'est tout à fait. J'ai prévu 2 minutes, le temps que vous mettiez les doigts dans les prises et ensuite c'est bon. Ça va et le la faire. Dernière improvisation, celle-là, j'ai jamais faite non plus encore. C'est une improvisation sur le thème des nanars. Est-ce que vous savez ce que c'est un nanar? C'est pas un film très drôle, mais tout pété au niveau c'est du scénario. C'est un film qui est exactement tellement mauvais qu'il est hilarant à regarder. Où les acteurs jouent mal, cabotinent comme jamais, le scénario est une merde tirée par les cheveux, et c'est ça qu'on aime. Est-ce que tu aurais un exemple de nanar? Ouais, si. Clash Commando, il y en a plein des nanars. Ce qu'il y a sur TF1 aussi, là, les espèces d'histoires... Tu sais, les espèces de scénarios du style. C'est arrivé près de chez vous, là? Voilà, genre. Ah non, arrête, faut pas faire ça. Elle est morte en mangeant du pâté, voilà. Un truc comme ça. Exactement, okay. C'est très mal joué. Faire la différence entre un nanar qui est agréable à regarder tellement il est mauvais et un navet qui est juste un mauvais film chiant à regarder. Ok. Ouais. Ah bah justement, sur TF1. Ah oui. Non mais c'est ça, TF1, moi ça me paraît plus des navets du coup. TF1, ils ont. On fait des gros bisous à TF1. C'est une chaîne que j'apprécie particulièrement. C'est faux. Ils ont investi dans le navet TF1, ça c'est sûr et certain. On n'est pas assez connus pour avoir des problèmes avec TF1, donc voilà, je me prive pas, TF1, rentrez chez vous. Parce que c'est le confinement. Et on se prive pas, mais on reste prudent quand même, tu vois, on sait jamais. On sait jamais. On l'a dit avec la petite goutte sur le. Ouais, il faut rester. Mais avec la Charlotte, ça va, ça retient bien. Ça. C'est là, t'as un producteur des TF1 qui voulait m'embaucher. Fin de carrière avant que ça débute, quoi. Non, TF1, des bisous, j'adore Joséphine Ange Gardien. Voilà. Vive les petits. Ouais. Et Allez, avant de passer à la première improvisation, on écoute Noroy de Savior et on se retrouve pour la première improvisation. A tout de suite sur Indestar. Des bisous. J'ai vu de la lumière, 21h-23h. Sur Indestar. Tout à fait, c'est reparti. J'ai vu de la lumière, alors je suis entré. Première improvisation de la soirée. Est-ce que vous êtes toujours prêts? Ouais. Toujours, on est là. Je fais l'appel, Jean. Comment? Je fais l'appel. Vas-y. Jean. Oui, présent. Théo. Oui. Formidable, voilà. Clément. Oui. Ça, tu l'as surpris. Ouais, c'est moi. Ouais, c'est moi. Ok, oui, je suis là. Non, ça valait le coup de faire l'appel pour deux personnes. Comme ça, les auditeurs arrivent à vous situer un peu. Oui, c'est vrai. Donc, il n'y a pas longtemps, je suis retombé sur un bouquin de Raymond Queneau qui s'appelle Exercice de style. Raymond Queneau, c'est un écrivain, romancier, dramaturge, poète français qui est mort en 76. Et donc, en 47, il a écrit ce bouquin-là, Exercice de style. Où en fait il raconte juste une histoire banale, quelqu'un qui prend le bus, qui voit, qui décrit un petit peu les personnages autour de lui. Ça dure une page et en fait il a décidé de le reprendre dans 99 autres manières de l'écrire. Ah oui, donc d'accord. Ça va du changement de point de vue, les dialectes, les patois, les figures de style, les litotes, les allitérations, vraiment tout. Absolument tout, voilà, en 99 pages. Et donc je vous ai écrit un petit texte. Et on va essayer d'adapter ce concept de roman à l'improvisation, à la radio. Donc c'est un petit texte à la con, hein. Techniquement c'est banal, il y a juste une petite blague nulle à la fin. Mais en fait je vais vous demander de le lire une fois. Ok. Ok. Une autre fois en vous mettant des contraintes à chaque fois. D'accord. Très bien, ça marche. Ok, ça marche. Ok. Ok. Et bien écoutez, on y va pour une lecture à la vite, juste pour donner une idée du texte. Voilà. Bon, c'est un texte à la con, hein. C'est vraiment... Okay, mettre c'est de bon. La neutralité dans le texte pour que les contraintes ne rompent cette neutralité. Voilà. D'accord. On y go. Alors attends, hop, c'est parti, exercice de style. Ça n'a pas marché. Et bah voilà, Clément qui se plaignait que tout se passait bien jusque là. Ça y est. Exercice de style sur Indestar. Première lecture, donc lecture à neutre. Eh merde, j'ai oublié ma carte. T'as pas 1,70€? Si, attends, tiens. Mais t'es con, ça fait deux fois cette semaine que tu l'oublies, quoi. Enfin... Je sais, mais c'est les demi-saisons, ça. Je change de veste, alors ma carte reste dans l'autre. Mais pourquoi tu la mets pas dans ma poche de pantalon, alors? Mais c'est pareil, entre les shorts, les pantalons, les bermudas, c'est encore pire, en fait. Ah ouais, pas faux. Et dans ton sac, t'as pas un sac pour l'été et un autre pour l'hiver, quand même, enfin... Non, mais dans le sac, c'est chiant. Elle tombe au fond, faut passer un quart d'heure à la chercher... Comment tu fais, toi, d'ailleurs? Moi, j'ai développé une technique qui marche en toute saison, été, hiver, jour, nuit. Une technique infaillible. Bah, à coup, c'est quoi? Je fraude. Merci. Ok, je vois la chute. Ouais, j'ai mis une chute parce que voilà. Mais donc voilà, un texte, on se fait un peu chier. Mais donc, pour éviter qu'on se fasse chier, je vais vous demander de lire le même texte, mais vous allez vous la péter grave. Okay. C'est-à-dire quitte à aller un petit peu dans le bourge, tu vois. D'accord. Chercher un petit peu de bourge. Ok, d'accord. Ah, très bien. D'accord. C'est voilà, bon. Quitte à humilier votre ami en face de vous. Voilà. Très bien. Ok, ça marche. C'est bon pour vous. Eh bien, ouais. C'est parti. Et merde, j'ai oublié ma carte. T'as pas 1,70€? Mais si. Attends, tiens. Mais t'es con, ça fait deux fois cette semaine que tu l'oublies. Je sais, mais c'est les demi-saisons, ça. Je change de veste, alors ma carte reste dans l'autre. Mais pourquoi tu la mets pas dans ta poche de pantalon, alors? Mais c'est pareil. Entre les shorts, les pantalons, les bermudas, c'est encore pire, en fait. Ah ouais, pas faux. Et dans ton sac? T'as pas un sac pour l'été et un autre pour l'hiver, quand même? Non, mais... Dans le sac, c'est chiant, elle tombe au fond, faut passer un quart d'heure à la chercher. Comment tu fais, toi, d'ailleurs? Moi, j'ai développé une technique qui marche en toute saison, été, hiver, jour et nuit. Une technique infaillible. Eh ben, accouche! C'est quoi? Je fraude, très cher, je fraude. Oh, bordel! Merci beaucoup. Alors, deux choses. Théo, t'avais des accents d'Homer Simpson à un moment. Oh, ah, peut-être, mais je fais pas gaffe. Si je commence à faire des accents sans m'en rendre compte, ça va être très problématique dans la vie de tous les jours. Hein. Ça va être chaud. Et la deuxième chose, n'hésitez pas à modifier le texte. Hein. Ok, on peut. On peut vous y allez, on peut se lâcher, vous allez bientôt l'avoir en mémoire. Ok. Le micro. Ouais. Et donc faites-vous plaisir avec ça. Donc maintenant, je vais vous demander de la lire en mettant le plus d'argot possible. Et l'argot, le larfeuille, le palto, le pajot, le. Oh, chose comme ça. Qui on la va la France d'en bas. La France d'en bas. On va pas. Genre la France d'en bas. La France d'en bas, tout la France d'en bas, d'accord. Tu peux faire oui, donc c'est un peu boulu comme d'accord, ça. D'accord, ça marche. Toi. Ouais, c'est parti. C'est parti, comme vous voulez. Wafidou, j'ai encore forget ma carte. Excuse-moi, la Francky, t'as pas genre un peu de thune, genre 1,70€? Bah, si, attends, bah, tiens, t'es con, tu fais exprès. Ça fait deux fois cette semaine que t'oublies, t'as pas de tête, quoi. Non, mais attends, bon, parlez pas, je me rends bien compte que j'ai pas de tête, hein. Dès que je change de falzar, hop, ça reste dans l'autre falzar, hein. C'est un problème, hein. Mais pourquoi tu mets pas dans la poche de ton calbut? Bah, parce que c'est toujours le même bordel, entre les shorts, les shorties, les joggings, les bermudas, bah, en fait, c'est encore plus le bordel. Ah, c'est que t'es pas con, toi. Et dans ton sac, t'as pas un sac pour l'été avec le petit cuicui? Et pour l'hiver, quand il y a le petit le Papa Noël là quand même, y a pas. Non, mais t'as, franchement, tu te fous de ma goule. Dans le sac, c'est encore pire, bordel de merde. De toute façon, à tomber au fond du truc, après, faut que tu passes des heures et des heures avec ta main au fond du truc là. Et comment t'as d'ailleurs, t'arrives à te démerder, Kojo là? Moi, je fais des études, moi. J'ai fait des études. J'ai développé une technique qui marche, mais il y en a toute saison. Été, hiver, éteint, allumé, tout. Une technique infaillible, ouais. Et bah alors, tu vas la dire, ta pastille, qu'est-ce que tu as à Ragouine, toi? Je fraude. Ah putain! Oh là là là là là là là. C'est marrant parce qu'avec Théo, j'ai l'impression d'être dans Kaamelott un peu. Bah, je me suis rendu compte que. T'as beaucoup regardé Kaamelott, non? Ouais, mais tu sais, le paysan qui accompagne Guetno. Oui, souvent. Il repart. Ouais, tu vois, repart, c'est ça. Écoute-moi bien, sire. Écoute-moi bien, le taper, ouais. C'est par sa gueule. Il s'en va de décéder. Et bah, c'est. Non, mais là, ça devient problématique. Hein. Oh ouais, c'est non, ça. Mais c'est ça. Tu fais bien de me dire ça. Peut-être que tout à l'heure, il y en aura une avec Ropart. Ah, bah, allez, c'est parti. Et Jean, alors toi, ça se voit que t'as maté Les Inconnus, mais à balle, quoi. Ouais, t'as ah ouais. Dans le bouchonnois. Ah, bah oui, c'est le bouchonnois, quoi. Ah, bah là, pour le coup, ouais. Ah, bah là, c'est, on a nos références qui ressortent. Hein. C'est ça qui est bon. Ce sont de bonnes références tout de même. Voilà. Ah, non, mais complètement. Disons-le. Ok, pour la prochaine, alors c'est un petit peu expérimental également, un peu bizarre. Vas-y. Je vais vous demander de faire la même improvisation, mais en message codé pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Ok, en gros. Les Français parlent au français, oui. Il y a du beurre dans les épinards. Ok, d'accord. D'accord, gros, d'accord. Vous devez essayer de faire ressortir le propos de votre phrase avec des phrases comme ça. D'accord, ok. La carte de bus est cachée dans l'entrejambe. Oui, c'est ça. D'accord. Tu vois le délire? Ok, je vois. Ok, testons, on va voir. D'accord. Attends, j'essaye de vous mettre. Voilà, allez-y. La diarrhée a paumé, Est-ce que tu n'aurais pas un space-fond? Un space-fond. Le space-fond, si, le space-fond est mien, mais j'y pense, tu n'as donc point de mémoire. Cette semaine se fait deux fois que tu l'oublies. Alors, excuse-moi, je me permets de clarifier pour les auditeurs, le space-fond, c'est la carte de bus, hein, du coup. Voilà. Okay. C'est, ça, les, c'est sous, ça. Les sous pour la carte de bus. C'est ça, exactement. D'accord. On y retourne. Alors, comme on dit, les confitures sont bonnes selon les saisons. Alors, quand tu changes de pot, change de couvercle. Alors, du coup, bah, des fois, le couvercle va pas dans le pot. Oh, je comprends bien, je comprends bien. Donc, du coup, ceci est dû au fabricant. Mais j'y pense, pourquoi tu ne le mets pas dans un pot universel ? Parce que, comme on dit, un pigeon est un pigeon, hein. Parce que entre les pigeons, les tourterelles et les hirondelles, eh ben, en fait, c'est un bordel sans nom. N'as-tu point, justement, parlons d'hirondelles. Il m'a perdu. Reste dedans, toi. Vu qu'il ne, tu nous parles d'hirondelles, n'as-tu pas, justement, comme bons oisillons que nous sommes, un nid confectionné pour cela ? Eh ben, écoute, quand la tarte est dans le four et qu'elle crame, c'est relou. Alors, imagine quand t'as dégouline dans le four, c'est encore plus casse-couille. Alors, au bout d'un moment, faut bien la sortir du four quelques minutes avant de la manger. Et d'ailleurs, comment tu cuis une tarte, toi ? Moi, avant de cuisiner une tarte, je m'arrange toujours pour que ce soit madame qui la cuisine. C'était la chute, là, ou ? Ah non, pardon. Du coup, je n'ai pas à m'en occuper. Je regarde juste si les ingrédients sont là et madame s'occupe de cuire la tarte. Ah là là, nom d'un bistouri. Mais exprime donc cette recette. Je ne fous rien. Là, c'est la chute. Là, c'est la chute. Quel enfer. Oh là là. C'était chaud. Moi encore, je m'en suis pas trop mal sorti parce que j'avais des répliques plus courtes que les tiennes. Ouais, ah, mais là, quand tu m'as parlé de l'hirondelle et que tu me regardes en mode. Bien, ça. Ah, ah merde. Ah, ah, l'hirondelle, les étourneaux. Et... J'adore. Non, mais ça marche assez bien. Bon, je suis pas sûr que ça soit très compréhensible, mais. Bon, écoute, quelqu'un qui prend l'émission en cours de route, il tombe sur une tarte, un étourneau, voilà, et il s'arrange avec ça. Exactement. C'est ça, un peu à l'auditeur de faire le taf. Exactement. Non, voilà. C'est pour rire des bisous, les auditeurs. On vous aime. Oui. Pour la prochaine, je vais vous demander de... Alors, attends, je dirais ce... Voilà, ah. Nickel. Je vais vous demander de jouer comme si on était dans une pièce de théâtre de boulevard, en exagérant. Ok. Très en bien. Faisant comme si chaque petite chose, c'était... Oh, c'était une montagne, enfin, incroyable. Qu'est-ce que c'est... Ma femme, voilà. Oui, très bien. D'accord. Vous avez droit, bien sûr, de modifier le texte. D'accord. Mais essayez de garder l'essence, quand même. Ok, okay. Très bien, ça marche. Ok. C'est bon pour vous ? Ouais. C'est parti, allez, quand vous voulez. Oh zut, j'ai encore laissé ma petite carte, je ne sais comment prendre le bus. Dis donc Marcel, t'aurais pas un franc 60 ? Je ne pense pas que... Mais oh, ciel, si, attends, je crois bien que j'ai cela, mais attends, dis donc, ne serais-tu pas un peu empoté ? Cela fait deux fois que tu l'oublies. Ah, ah, ne m'en parle pas. À chaque fois, c'est le même bazar. Je change de veston, je change de pantalon, et pif, pouf, pouf, la carte reste dans l'autre. Mais pourtant, ce n'est pas compliqué, c'est simple. Il faut que tu la mettes dans une poche de pantalon. Pourquoi ne fais-tu donc pas cela ? Mais enfin, Marcel, c'est du pareil au même. Comme dirait un grand chanteur, entre les shorts, les pantalons, les bermudas, c'est encore pire. En fait, j'avoue que tu as raison, Jean-Francis. Mais dans ton sac, n'as-tu pas un sac différent ? L'un pour les bonnes saisons, l'autre pour les saisons un peu plus frileuses. Ne m'en parlez pas, mon cher ami. Quand je vois le sac de ma dulcinée, j'en perds mon pantalon. Et encore, ce n'est qu'une expression. Quand la carte tombe au fond, il faut passer des heures, des heures et des heures et des heures à la chercher. Et d'ailleurs, petite question. Comment faites-vous ? Alors, entre nous, j'ai une technique vraiment imparable. Eh ben, dites-moi ! Je fraude. Merci beaucoup. Ah, ils sont ravis. Incroyable. Ah putain. Oh, ok. Dieu. Eh ben, ça marche bien. Ouais. Écoutez, il reste pas beaucoup de temps. On peut en faire encore une. Donc je vous propose soit une improvisation avec des accents, où vous prenez les accents de votre choix. Soit des imitations de personnages célèbres, genre je sais pas, Jacques Chirac contre Bourvil, des choses comme ça. Ok, bah, personnage célèbre, moi ça me va, hein. Ou, si t'es chaud. Ou bien, parce que j'avais bossé, attends. Pour une fois que je bosse, tu vas me laisser finir mon truc, d'accord ? C'est presque ça, c'est ça même. Une improvisation où c'est dans le futur, où vous devez adapter les dialogues. Et une autre, j'y ai pensé juste pendant la dernière improvisation, à faire un Fred et Jamy. Ah d'accord, mais dis-moi frère, comment ça se fait que j'ai pas dans la poche? Ok, un petit peu comme les voix américaines, tu sais, les mecs qui font des espèces de... Ah, tu sais, les pawn stores, les trucs comme ça, tu sais, des espèces de ventes aux enchères. Et là, j'ai constaté que j'avais exactement plus de 10 dollars en poche. Tu vois, un peu comme ça. Ouais, ouais, ouais, c'est ça. J'imagine bien, ok. Bah, comme tu veux, c'est toi qui décides. Oh bah tu fais chier, je te laisse le choix. Tu veux quoi Jean? Tu veux quoi t'étais Jean? Chaud pour accent, les accents. Bah j'étais chaud pour les personnages célèbres, vas-y. Ou Fred et Jamy. Ouais, personnages célèbres. Vas-y, personnages célèbres. Je vous laisse faire la surprise aux gens. Ouais. Ok. Si je trouve pas, c'est que c'est raté, attention. D'accord. C'est quand vous voulez. Et merde, j'ai oublié ma carte et t'as pas un euro 70, s'il te plaît. Si, attends, tiens, je passe, tu t'es complètement ramassé du ciboulot, toi. Enfin, je veux dire, ça fait deux fois que tu l'oublies cette semaine. Non, mais ça, je suis au courant, mais le problème, c'est que quand je pars en mission, ben, je suis obligé de changer de pantalon et de veste. Alors forcément, patatras, la carte reste dans l'autre veste. Ah ben, c'est bien ce que je disais, tu n'as pas de tête, mais pourquoi tu la mets pas dans la poche de ton pantalon? Enfin, mais parce qu'en fait, c'est toujours le même bordel, quand j'arrive en mission, mon pantalon il se déchire, alors entre le fait de mettre des shorts et les genoux qui piquent, quand mon pantalon il se déchire, les bermudas c'est pour les nazes, alors en fait c'est toujours un même bordel. Eh ben, je veux dire, pourquoi tu mets pas ça dans ton sac? Je veux dire, c'est une technique, c'est une tactique, pourquoi tu... c'est tout con, enfin, je veux dire, t'en prends un pour l'été, un pour l'hiver, et puis boum, ça te permet de toujours avoir 1,70€ sur toi. Ouais, non, mais là, j'ai une mauvaise expérience avec les sacs, parce que c'est chiant. La dernière fois, je l'ai fait tomber au fond du sac, je l'ai récupéré, sans faire exprès, j'ai dégoupillé une grenade. Autant te dire qu'au centre commercial, ça a foutu le bordel. Mais toi qui as l'air si malin, comment tu fais? Ben moi j'ai une technique vraiment à force de travailler avec toute l'équipe, en parlant, en faisant des dîners avec les joueurs, j'ai pu développer vraiment avec le ressentiment de chacun une technique infaillible. C'était pas ta guerre, pardon, excuse-moi. Déformation, bah vas-y, balance le morceau, Bobby. Ben tout simplement je fraude. Merci beaucoup pour cette improvisation, exercice de style. Ah, j'adore. Et tu sais que je pensais à la même voix. Je vais faire et puis t'as fait. Oh. Donc on est d'accord, c'est Monsieur Sylvestre des Guignols. Voilà, c'est Monsieur Rambo. Slash Rambo, slash Schwarzenegger et tous les autres. C'est ça. Et face à, j'ai plus son nom, mais c'est un entraîneur de football. Voilà. Comment il s'appelle? C'est Laurent Monsieur Blanc. Didier Deschamps. Didier Deschamps. Voilà. C'est Monsieur Didier Deschamps qui est présent ce soir sur Indestar. Qui vient faire sa sélection pour l'équipe de France. Oui, je crois bien que justement, Soigné Star, ça fait plaisir de nous inviter. Vraiment, en fait, de partir. Ça va partir en couille avant la fin de l'émission. Merci beaucoup pour cette improvisation. Voilà, ça nous met en jambes. Ça, c'est un petit peu l'échauffement aussi. Quel échauffement ? On écoute tout de suite une cover de Sweet Child O' Mine des Guns N' Roses. Enfin, c'est une cover de First to Eleven. Et on revient avec une autre improvisation tout de suite après. De la lumière, 21h-23h sur Indestar. On est bien dans J'ai vu de la lumière. Alors je suis entré sur Indestar. C'est chouette comme émission, moi j'aime bien. Ouais pareil, ouais, c'est pas mal, j'aime bien aussi. Vraiment cool, ouais, non franchement. Bonne ambiance. C'est vrai. Donc on part dans un autre univers complètement que l'espèce d'exercice de style. On part dans l'univers du shonen. Alors pour les profanes, le shonen est un genre du manga à l'origine il s'adressait aux garçons. C'est tous les mangas genre Naruto, les trucs comme ça. L'idée, c'est que le héros est pas très bon en quoi que ce soit, en ninja, en couture. Et il va poursuivre un but ultime, se faire aider par des maîtres, apprendre des nouvelles techniques et des choses comme ça. Et cet univers-là, aujourd'hui, on va l'insérer au domaine de l'entreprise. On va se retrouver dans les logos de Multix. Oh putain, Multix. J'imagine l'entreprise de BTP qui fait du shonen, là franchement, c'est génial. Le parpaing te posera. L'entreprise de multiprise, Multix, les multiprises Pratix. Oh, magique. J'avais eu une sombre histoire de corruption, alors c'est vrai qu'ils m'avaient donné de l'argent Multix, mais les gens voulaient un autre épisode de Multix, donc on y est. L'improvisation s'appelle La légende de Julien Leroy de Multix. Julien Leroy de Multix. Julien Leroy de Multix. Ok. Sachant que j'ai piqué cette blague à Usul. On lui fait des bisous à lui aussi. Il a fait une private joke à lui tout seul. Ouais, Usul c'est un youtubeur de gauche qui faisait des vidéos sur le jeu vidéo. Oh, oh. C'est pas très connu parce que c'est du contenu de qualité. Okay. Et ça balance. Bref. On a tous fait. Oh. Et maintenant il fait des vidéos de gauche sur Mediapart. D'accord, ok, ouais. Et j'adore son humour à ce type. Donc, on va se retrouver dans les locaux de Multics. On a donc Julien Leroy, qui est un jeune employé. Ça fait une semaine qu'il est dans la boîte. Et son boulot, c'est de vendre des multiprises au téléphone. Donc d'appeler des gens et de vendre des multiprises. Ça, c'est le personnage de Julien Leroy, le vendeur. Et j'ai l'autre personnage, c'est le petit chef. Donc le petit chef, il s'exprime bizarrement avec des termes que personne n'a compris, genre interro négative, tu fais trop de coach surfing, tu vois. Ah d'accord, donc... Tu vois, il est dans l'esprit Startup Nation. Mais incompréhensible. Voilà. Ok. Et dans la première scène, donc, on va avoir Julien Leroy qui essaye de vendre des multiprises et le petit chef qui essaye de le coacher un petit peu, en l'engueulant un petit peu. Ok. Donc qui veut faire Julien Leroy ? Julien Leroy, sachant que ton personnage tu vas le garder, toi Jean tu vas évoluer pour d'autres personnages après. D'accord, ok. Et donc Jean tu fais le petit chef donc. Ok, petit chef vénère. Ou vénère, et qui se la pète, truc un petit peu huppé, tu vois Bobo. Ok, très bien, ça marche. Ça marche, donc je dois vendre des multiprises par téléphone. C'est ça, donc voilà le début de l'improvisation. Ok. Et après je vous apporterai le reste des éléments. Tout ça dans un esprit shonen, tout ça dans un... Non, l'esprit shonen va venir plus tard. Ok, d'accord, pour l'instant c'est... Il est chaud Jean, il est là, vas-y, j'ai envie de parler. Non, rire. Le chant fait très bien la multiprise. C'est ça. On est parti pour la légende de Julien Leroy de Multics, tout de suite sur Indestar. Donc Julien Leroy et le petit chef sont à leur bureau. C'est pas possible, c'est pas possible. Les chiffres sont encore pas bons là. Il est où ce petit merdeux là? Le roi! Oui, oui, oui, je suis là. Le roi. C'est quoi ces chiffres là? Alors, si vous prenez. Alors, oui, je suis désolé, mais si vous prenez en compte par rapport aux chiffres du semestre dernier, ça. On s'en parle du trimestre dernier. Moi, ce que je vous demande là, c'est des chiffres, c'est des résultats, c'est je vous ai engagé, c'est pour que tout soit nickel à votre embauche là. Là, c'est rocambolesque, là, je ne comprends rien. Je veux dire, regardez avec les States, hein. On est quand même in the ground là, d'accord? On est in the ground! Parfait, le vocabulaire d'entreprise, rocambolesque, nickel. Je vais te demander de faire un test à Julien qui est devant toi. Tu vas lui demander d'appeler un client et de voir comment il se démerde au téléphone. Très bien. Bon, écoutez, ça oui. ne va pas. Oui, non, mais je sais bien que ça ne va pas, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour me rattraper? Dites-moi. Écoutez, pour vous rattraper, regardez, tenez, vous appelez cette cliente là, voilà, voici ses coordonnées. Vous l'appelez. D'accord. Hein, et allez-y, c'est votre test. Go, vendez-moi ces multiprix. Ok. Allô. Oui, bonjour madame, ici l'entreprise Multix, le bonjour roi de la multiprise. Bonjour monsieur. Comment allez-vous madame? Oh ben ça va plutôt bien, il y a ma petite fille qui est passée, la fleuriste elle est gentille avec moi, elle m'a mis deux tulipes en plus, madame, alors que madame, la boulangère l'autre madame, fois, je lui avais payé madame, trois baguettes. Elle m'en madame, madame, voilà, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Je vous entends bien, très bien parce que le réseau. Oui, non, mais madame, madame. Bon, écoutez, voilà, je vous appelle parce que là, on a une offre super bien. Ah. Oui, alors, vous voyez quand vous êtes chez vous et que vous voulez faire à manger pour votre petite fille. Oui, ma petite fille. Oui, votre petite fille. Madame. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout vous raconter et après, vous me racontez votre vie, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors. Oui. Imaginez, vous voulez faire des crêpes pour votre petite fille. Ah, les crêpes. Oui, parce madame. Que la farine, le Cyril Lignac. Oh, tu vas te taire maintenant, madame. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu craqué. Vous êtes grossier, je raconte. Non, madame, si. Voilà, la patience. Chez Multics, il y a de la patience. Mais oui, il y a de la patience, mais vous avez entendu comme moi, chef. Attendez. Bon, ce que je vous propose là, hein, ok, d'accord, je vous sens un petit peu tendu. Peut-être que je vous mets la pression, d'accord. Regardez, tenez, je vous donne le numéro de mon plus précieux client. Quoi? Ne stressez pas, d'accord. Vous avez l'habitude, si je vous ai embauché, c'est parce que vous avez ce potentiel que j'ai déniché chez vous, d'accord. Je sors, je vais aller prendre un café. Vous appelez ce client, monsieur Lecomte, d'accord. Monsieur Lecomte. Monsieur Lecomte, ok. Notre offre, d'accord. Une Multix achetée. Une Multix achetée. Une Multix offerte. Non, 9 Multix. 9 Multix offerts. Voilà. Okay. C'est un ratio assez déjà particulier. Déjà ça, oui. D'accord. Oui. Allez, faut écouter. Allez, c'est parti. Une Multix sachée, 9 Multix offerts. Très bien, je reviens. C'est parti, allez. Allô. Oui, bonjour, monsieur Lecomte. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je me présente, voilà, je suis Julien. Enchanté. Je travaille à l'entreprise Multix. Ah, formidable. Quelle belle entreprise. Oui. Comment allez-vous, monsieur Lecomte? Très bien. Depuis que je vous ai au téléphone, je vais très bien. Ah, voilà. Écoutez, eh ben, ça me fait vraiment plaisir. Ah. Eh ben, tant qu'on est dans ce bon mood de bonne humeur, je vous appelle pour vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser, monsieur Lecomte. Oh. Vous êtes prêt ? Je suis prêt, je suis tout oui, monsieur. Alors, pour une multix achetée, 9 multix vous sont offertes. Oh ! Oh ! Exactement, monsieur le comte. Oh ! Oui ! Oh, j'ai léché la casserole sur le feu. Non, non, monsieur le comte est en train de... Monsieur, monsieur, je raccroche, pardon. Monsieur le comte, qu'est-ce que je vais dire au boss ? Qu'est-ce que je vais dire au boss ? Qu'est-ce que je vais dire au boss ? Ok, il a... Et là, à présent, monsieur le petit chef, je vais te demander d'envoyer, bah, de décider qu'il est trop nul pour faire ce boulot et de l'envoyer en stage au Tibet. Ok, très bien. Ou au Japon, ou n'importe où. Quand, okay. Un Vosges. Truc qui fait shonen, quoi. Ouais, okay, très bien. J'avais pensé au Vosges, mais tu vois, c'est pas... Allez, comment on va, Trumptroui ? Oui, Vosges dessus. C'est reparti. Vosges dessus. Bon alors, ce coup de fil-là, comment ça s'est passé, là ? Bah alors, comment vous dire ? Il était très heureux de m'avoir au téléphone, et puis en fait, au bout d'un moment, bah, je crois que sa cuisine a brûlé, du coup, il a raccroché. D'accord, il vous a fait le coup de « je m'en fuis », quoi. C'est pour ça que c'est notre client le plus dur à avoir. Voilà. Donc j'ai pas réussi, je suis désolé. En fait, vous avez pas cette technique de persuasion que j'avais décelée chez vous lors de notre entretien. Alors écoutez, j'ai pris la sage décision, d'accord, oui, de vous envoyer au Multiplex de Suma. Au Multiplex de Suma. Exactement, c'est un temple caché au Tibet, d'accord. Le fameux temple caché. Oh. Vous allez le voir, le chef, d'accord, a une combinaison Multiplex, d'accord. Une combinaison flex. White in the Multiplex, d'accord, okay. Avec une Multix, d'accord, l'insigne de la Multix sur le front, vous ne pouvez pas le louper. Il vous enseignera tout ce que j'ai appris. D'accord, j'essaierai d'être digne de vous. Allez, gâteau. Yamaha. Et sans peur, Julien Leroy prit l'avion. Il voyagea longtemps avec le décalage horaire. Il marcha à pied dans cette grande province du Tibet, escalada des montagnes, et se trouva finalement au pied d'un énorme escalier. Et en haut de cet escalier, l'attendait le grand maître de chez Multix. Oh, mais voilà. Mais vous voilà enfin. Oui. Vous êtes l'élève que m'a envoyé le petit chef. Oui, je suis Julien. Alors, le maître, je vais te demander d'ordonner à Julien de te prouver qu'il est digne d'être ton disciple. Parce que sinon, c'est trop facile. Je vois que tu es tout en bas de l'échelle pour l'instant. Oui. Je vais te demander de monter toute cette... sur ce chemin d'escalier forgé en multiplex forgé. Oh, je vais te demander de mettre les pieds dans la Multix et de monter sans te plaindre et en gardant les yeux fermés. Très bien. À chaque pas qu'il faisait, Julien Leroy était assailli de multiples décharges d'électricité. Mais son courage et sa ténacité finirent par hurler de cet escalier machiavélique. Il se retrouva à présent au niveau du grand sage de chez Multix. Je vois que tu as un fort potentiel. Le petit chef ne m'avait pas menti. Merci. J'ai vu en toi l'aura. L'aura de Maître CF, Maître Claude François. Je sais. C'est mon oncle. Vous êtes le petit-fils de Claude François? Oui. Si, c'est pas vrai. Si. Mais vous connaissez l'incantation sacrée? Je connais l'incantation sacrée et qui plus est en tibétain. Taikasera Tomboy Multixaya. Oh, la Multix dorée. Si. Elle n'appartient vraiment qu'aux élus. Je sais. Mais avant oui, de repartir, je dois t'enseigner ceci. Yes. Recule de deux pas. Voici un morceau de bois. Ok. Je vais te demander maintenant de programmer ce morceau de bois en une multix générationnelle, intergénérationnelle. Très bien. Et il essaya longtemps, pendant un jour, pendant deux jours, pendant des mois. Et à un moment, il eut un éclair de génie. Ça y est, ça Voici la Multix intergénérationnelle. Mais c'était pas possible, t'as juste mis une Multix dans le bout de bois en fait. Ouais, mais c'était vachement dur. Oh, tu as mis tout ce temps pour arriver à cette conclusion. Écoutez, grand maître, Peu importe les efforts que je ferai, peu importe d'où je viens, je galère toujours autant. Et mettre cette multix dans ce bout de bois, c'est le début de mon grand voyage. Je vois que tu as compris l'essence même de la multix sacrée. Tu peux donc retourner dans ton entreprise voir le petit chef et lui montrer ton enseignement. Et n'oublie pas, si tu as des clients qui viennent te prendre la tête, oui, envoie-les bien chier. D'accord. Après cet enseignement digne des plus grands, Julien Leroy, conquérant, revint dans la boutique par devant. Pour la rime. Il arriva devant le petit chef et lui dit... Petit chef. Ouais, ouais. Maintenant, je vous appellerai comme ça, car vous n'êtes qu'un petit chef. Ah, Hé, hey, laissez-moi finir. J'ai vu le grand maître Ningxiao au Tibet. Il m'a enseigné l'art de la patience, mais le plus important, l'art de ne pas se laisser faire. Un client qui vous fait chier, c'est un client à renvoyer bouler. Tel est le Nindo de Multix. Je vois que ça a été vraiment très prometteur. Je vous propose pour ce dernier test d'appeler notre première cliente. Et montrez-moi ce que vous avez appris. Avec grand plaisir. Allô ? Oui, écoutez-moi, c'est Dieu qui vous parle. Ah, Dieu ! Quand Dieu parle, les mortels se taisent. Les mortels se taisent. Ne taisez-vous. Voilà ce que vous allez faire. En sortant de chez vous, vous allez aller dans le magasin le plus proche. Vous allez aller au rayon bricolage, puis au rayon pâtisserie, puis au rayon poissonnerie, et vous finirez au rayon électronique. Dans cet ordre. Et à ce moment-là, vous tournerez votre tête sur votre droite. Oui. Et vous achèterez 300 prises Multix. Oh, d'accord. Oui, oui, mon Dieu, j'y vais tout de suite de ce pas. Bien. Au revoir Robert, et bon courage. Je vais acheter des multiprises. Ça. Bravo! Oh la vache! C'était énorme! Ah, franchement, tu sais, en plus, tu te mets vraiment dans la peau du personnage. J'ai envie de voir un animé Multix, mais sans déconner! Multix avec le héros, tu sais, qui transpire et qui est là. Qu'est-ce que j'ai fait de ma jeunesse? Oui. Vraiment très bonne impro, bravo à vous! Merci! Putain, j'ai plus envie de regarder Naruto ou n'importe quoi d'autre. J'ai envie je vais aller regarder... taper Multix sur Netflix, voir s'ils ont mis l'animé en place et demander le droit d'auteur. Je le dis tout de suite. Multix no, no Densetsu. Multix no Densetsu. Multix to the rock of the stand. Kirisu. Multix Kirisu. Bientôt l'opening sur Indestar, sans doute. Avec des multiprises qui volent dans tous les sens, tu sais. En attendant l'opening, on écoute Lucas avec sa chanson Memories. C'est un remix. A tout de suite sur Indestar. J'ai vu de la lumière, 21h-23h. Sur Indestar. C'est reparti, j'ai vu de la lumière, 21h-23h. Est-ce qu'on est toujours chaud dans le studio? Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Formidable, incroyable. On est parti pour cette troisième improvisation de la soirée. Cette improvisation s'appelle Question de genre. Ok. Ouh. Alors, pas de gros débat sur le genre, mais simplement des genres cinématographiques. Oh. À savoir qu'on va observer la vie de deux frères, donc ça va être vous. Ok. Ils s'appellent Jo et Théon. Non, Théo. Attends. Jean et Théo, Jo voilà. Et Théon. Théon. Okay. Non, Théon et Jo, parce que c'est comme Jean et Théo. T'as fait un mix de nos prénoms en fait. Ouais. J'ai bossé 2 heures dessus. Ne rigole pas, s'il te plaît. Non, je rigole pas. Jo. Jo et Théon. Ok. Donc, on va avoir 4 périodes de votre vie, parce que vous êtes frères. Mm-hmm. Ok. On va avoir la période de l'enfance, puis l'adolescence, puis la quarantaine, puis la soixantaine. Ok. Et toutes ces périodes-là vont être réalisées dans des genres cinématographiques différents. Ok. Donc pour le premier, l'enfance, ça va être un petit peu la guerre des boutons. Bon, l'enfance, j'ai pas mis trop de genres pour avoir un départ un petit peu neutre. Ensuite, l'adolescence, ça va être le western. Donc un petit peu l'époque des premières confrontations, des choses comme ça. Mm-hmm. Pour la quarantaine, ça va être le soap opéra, le genre amour, gloire et beauté, des choses comme ça. Oh, Joe. Voilà, tu l'as, okay. C'est ça. Et pour la soixantaine, ambiance un petit peu film d'époque, avec la résistance de la deuxième guerre mondiale. Les vieux papiers résistants un petit peu. Ouais. Voilà ce qui est au programme. 45, de... mais... Les Français parlent tout français. C'est un petit peu ça. Donc vous êtes deux frères, pour vous caractériser un petit peu, je vais vous mettre quelques pistes d'éléments, et puis vous pourrez les utiliser ou pas. Donc Joe et Théon, Votre papa a une entreprise de bonbons. Entreprise très riche, qui va forcément léguer à quelqu'un à sa mort. Donc ça peut être un conflit de savoir qui. Vous êtes tous les deux amoureux d'une Jeanne. Qui a votre âge à chacun pro, bien sûr. Elle est où, Jeanne? Ah, merde. J'y ai pensé en le faisant, je me suis dit non, ils vont pas le faire. Et, bah, si. Et donc, dernier personnage commun, bah, bien sûr, il y a papa, maman, tout ça. Et mamie est très gentille avec vous, vous donne de l'argent, tout ça. Donc voilà. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ça, c'est la famille. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Ok. Donc, on part avec la première époque, l'enfance. On va dire que vous avez, je sais pas, 8, 10 ans, quelque chose comme ça. Ok. Alors, ça se trouve, tout le monde s'en fout. Mais qui est le plus grand des deux? On s'en fout de ça. Si, ça peut être intéressant, comme vous voulez. Bah, t'as quel âge, Jean, dans la vraie vie? 31. Ouais, ok, bon, moi j'ai 25 ans, c'est toi le plus grand? Voilà. Allez, super. J'ai bien fait d'ouvrir ma gueule, moi, c'est 38, voilà. Tiens. Ok. Et ben on est prêt? Ouais, ok. Donc, période enfance, un peu guerre des boutons, ou chamailler, tout ça, c'est l'innocence. Okay. C'est l'innocence et ça fait plaisir à voir, j'ai envie de dire. Ça marche. C'est parti pour question de genre. Hey, t'es en train de mâcher quoi là? Il y a la bouche, t'as quoi dans la bouche? C'est mon chewing-gum. Tu vas m'en donner? Bah non, c'est papa, il me l'a donné. Alors je l'ai pris et puis je le mâche. Et puis t'as qu'à demander à papa un chewing-gum si tu veux. J'en ai déjà eu 3, mais pourquoi il t'en a donné un comme ça? Je l'ai pas celui-là moi. Eh bah ça c'est dommage pour toi parce que en plus c'est un collector. Parce que papa il me l'a donné parce qu'il a dit j'étais plus sage que toi. Bouh. Plus sage? Tu sais pas tout ce que je fais moi pour en arriver là où j'en suis. À l'école c'est moi le boss. C'est toi le boss, sauf dans la cour. Non, sauf dans la classe. Dans la classe, ça que je veux dire dans la classe. Parce que t'as pas des bonnes notes. J'ai pas des bonnes notes, mais moi, dans ma classe, y'a Jeanne. T'as pas le droit de parler, Jeanne. Eh ben, dis-toi que l'autre fois, je suis allé jeter mon papier de chewing-gum à la poubelle. Eh ben, elle m'a regardé. Eh ben, moi, m'a fait un bisou sur la joue. Tu m'as pleuré. Tiens, prends ça. Je te pince. Alors calmez-vous, si je peux me permettre, c'est un peu l'innocence, arrêtez de vous tirer les tétons quoi. Je vais pas tirer le téton, je vais pincer le bras. Non, à l'audio, avec ton geste dans la radio, moi j'imagine ça. Du coup, on va reprendre, excusez-moi. Regarde, arrêtez de pleurer avant toi. Parce que je suis un grand garçon, c'est moi l'aîné, c'est moi le plus grand. Pas plus, moi j'ai. Voilà, avec ta mort cool. Cool. Bon, les enfants, qu'est-ce qui se passe là? C'est lui, il m'a. C'est Jo, il m'a tapé parce qu'il a pas eu le chewing-gum que tu m'as donné. Je veux pas le savoir, vous allez vous calmer maintenant. Mais papa, pourquoi? Allez. Si j'entends encore un bruit. Ça va mal aller, hein? Pour celui qui fait du bruit? Pour les deux! Ok. D'accord. Jo. Oui. Si tu veux, on peut aller dans l'entreprise de papa. Essayer de piquer un des malabars pour que t'en aies un aussi. C'est pas bête ça. Mais oui. Par contre, tu sais toujours où il range ses clés? Mais y a pas besoin parce qu'en fait, j'ai remarqué hier. Pourquoi j'ai un cheveu sur la langue d'un coup? Ça serait bizarre. J'ai remarqué hier qu'il y avait une petite trappe en dessous de la fenêtre de l'étage. Oh. Viens, vas-y, je te suis. Ok, allez, on y va. Attention. Ah, vite, cache-toi. Y'a madame Bellefeuille qui passe là, cette concierge. Vite, cache-toi. Attends, mince, elle m'a vu. Oh merde. Bonjour, madame Bellefeuille. Bonjour. Il fait beau, hein? Oui, très beau. En plus, ma petite cousine Julie est venue me voir à la boutique. J'ai ouvert la trappe. Faut que tu viennes vite. D'accord. Madame Bellefeuille, derrière vous, votre chat, Misty Griff. Oh, Misty Griff. Cours, vite. Maintenant qu'on est rentré sous la trappe, on rentre. Mais par contre, il faut vraiment pas faire attention parce que apparemment, papa il a mis plein de caméras parce qu'il y a beaucoup de vols ici. Bah tu m'étonnes. À chaque fois, c'est moi qui pique les bonbons. Bah voilà, d'accord. Il t'a pas reconnu. Non, c'est pas crédible. Allez viens, on avance un peu. Allez, c'est parti. Alors les carambes, c'est quoi? C'est les malabars. Les malabars, c'est c'est là. Oh, la dernière boîte, elle est trop haute. Oh non, elle est à côté d'une boîte multix. Oh fils. Attends. Alors attends. Et on va s'arrêter là pour la période enfance. Simplement, après cette petite escapade, le père est revenu dans l'entrepôt, a vu les enfants, et une boîte de multiprise multix est tombée dans la machine, ce qui a causé la perte de cette machine qui valait très très cher. Et le père a été obligé de licencier 3 employés par la faute de ses enfants. Donc ce sera quelque chose à intégrer bien sûr au reste de l'improvisation. D'accord. Ok. Parce que c'est un petit peu de votre faute à tous les deux, mais vous pouvez peut-être vous... se tirer sur la tronche, quoi. Ah, par exemple. Oh, j'ai pas dit. On va donc passer à la période western. Vous êtes adolescent. Vous êtes toujours amoureux de Jeanne. Ok. Et votre père a quelques ressentiments avec vous, puisqu'il a dû licencier 3 employés okay. de longue date. Ok. On y va, faut que je retrouve. C'est parti. Ah, encore toi. Eh ouais, je suis toujours présent, mon gars. Partout où je vais, sur n'importe quel chemin que j'emprunte, tu seras toujours devant. Eh ouais, c'est ça d'être le plus petit, mais d'être le plus intelligent. Tu fais toujours le grand daron, mon petit Théan. Eh ouais, mais qu'est-ce que tu crois? Tu m'impressionnes plus, mon gars. Ouais, je sais. J'ai toujours été derrière toi à suivre tes traces. Ouais, je vois ça. Maintenant, ça commence à suffire. Moi, ce que je te propose... Dis-moi. C'est de réconcilier, c'est de se réconcilier par rapport à ce qu'on a fait dans le passé. Ouais. Moi, je suis pas sûr de ça. Ah bon? J'ai failli passer l'éponge, mais... à cause de ta connerie d'avoir tiré sur la Multix, papa a dû licencier 3 personnes. Et on s'est fait engueuler tous les deux. Ouais, tous les deux, ouais, j'avoue. Mais pense à ces nombreuses personnes qui se font licencier tous les jours. 3 personnes de plus, 3 personnes de moins. T'as toujours eu une mentalité de merde, Joe. Mais je suis toujours en vie, Théan. Eh ouais, mais moi aussi. Et puis, ce soir, j'ai rendez-vous avec Jeanne. Avec qui? Jeanne. Tu veux parler de ma Jeanne? Non, de la Jeanne. La Jeanne? Qui va ce soir m'appartenir au niveau des sentiments, parce que ça reste une personne. Et qu'une personne ne nous appartient pas. Ok, moi ce que je te propose c'est d'arrêter en fait de se réconcilier parce qu'on sera toujours au même point qu'il y a 20 ans. C'est ce qui fait notre force aussi, on se tire vers le haut, on se tire dans les jambes mais on est toujours présents tous les deux. Exactement, regarde ma nouvelle jambe de bois, elle est pas stylée celle-là. Ouais, enfin c'est juste un tatouage que t'as collé sur ton mollet, arrête de te la péter maintenant. Sacré Théan, ouais. Toujours aussi malin. Hey, tu sais quoi Joe, je te laisse. J'ai rendez-vous avec Jeanne. Je l'emmène à la foire. Merci beaucoup. Voilà pour cet épisode western. Je vais juste noter que malgré le fait que vous soyez adolescent en train de muer, Jean, t'as quand même une voix de bonhomme. Hein. T'as vu ? C'est ça quand tu mues, toi ? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est d'un extrême à l'autre. Oui. Ouais, c'est moi. Voilà, donc ça, c'est j'ai quand 12 vous ans. J'adore. Qu'est-ce que ça va être quand vous aurez 70 ans ? Ouais. Vous allez avoir 40 ans dans la prochaine scène. Mm-hmm. Okay. Et ça va se jouer en mode soap opéra. Donc amour, gloire et beauté. Les sentiments, c'est peut-être là que les conflits familiaux vont se résoudre. Peut-être dans la sueur et le sang, peut-être dans les choses comme ça. Voilà. Okay. Et je vous donne juste, je pose ça là, quelqu'un est marié à Jeanne. Je vous laisse vous démerder. Ok. Okay. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors je mets un Shifumi. Shifumi en un point, c'est bon. Ils sont départagés, on y va pour la période soap opéra. Ah, j'entends que ça tape à la porte. Je vais voir qui est-ce. Oui ? Oui. Oh ! Salut, Jo. Oh, Théan, entre donc. Merci. Désolé de passer à l'improviste, je viens de ma réunion de travail. Oui, ça a été ? Oui, bah écoute, hein, les chiffres, c'est les chiffres. Depuis que j'ai repris l'entreprise de papa, j'ai réussi à faire monter le chiffre d'affaires de quelques pourcents, mais bon, on est encore un peu dans le jus. Alors, et toi, comment va ta femme? Ah, bah écoute, tu sais, Jeanne va très bien. Tu sais quoi, on est en train d'entamer notre parcours. Tu sais quoi, ouais. On est en train d'essayer d'avoir notre premier enfant, quoi. Ok, bon, je vais la jouer très claire, Joe. Ouais. Si je suis venu ici, c'est pas seulement pour te parler boulot. Ah, d'accord. Hier, j'étais au bar The Background. Ok. Et en train de boire un verre entre collègues et je ne veux pas t'alarmer, mais Jeanne y était. C'est impossible. Je te le dis. Non, elle avait une réunion Tupperware et elle ne peut... Non, elle écoute. Ne peut pas être au background, c'est impossible. Joe, écoute-moi. Ouais. J'étais avec Marvin et Steven. Marp. J'étais avec Marvin et Steven en train de boire les coups. Tu sais, les associés de la boîte de papa. Ouais. Et là, je l'ai vu rentrer dans le bar, habillé de manière élégante et séduisante en même temps. Ouais. Elle avait rendez-vous avec cet enfoiré de Jiminy. Jiminy? Jiminy. Non, tu ne peux pas parler de... Non, c'est pas possible. Je pensais qu'il avait quitté le pays, celui-là. Jiminy a toujours été plus discret que nous, Joe. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce que... Sa discrétion a fait de lui un véritable adversaire au niveau sentimental. C'est pas possible, ne me dis pas qu'il... Non. Écoute. Non, je ne peux pas te... Écoute, Joe. Pleure dans mes épaules. Mais écoute-moi. Tu es mon frère. Il faut nous unir parce que ce que je vais te dire, ça va faire très mal. En rentrant dans le bar, j'ai d'abord cru à une farce, mais en fait, je l'ai vu retirer son alliance. Elle l'a mis dans sa poche arrière et a embrassé langoureusement Jiminy. Jeanne! Calme-toi, Joe! Pleure! Pleure! Jeanne. Pleure, Joe, vas-y, pleure! Je sens que t'en as besoin, Joe! Ok, ressaisis-toi maintenant! Regarde-moi dans les yeux! Oui, oui. Regarde-moi, my brother! Oui, oui. Regarde-moi! Oui. Toi et moi! On va conquérir le monde. Oui. Moi avec des bonbons et des malabars. Et toi avec ton usine à pneus. Oui. On est capable de retourner la terre au niveau financier, au niveau des sous. Je suis d'accord avec toi. On va unir nos forces. On va arrêter toutes ces querelles et... Et surtout, on va renverser Jiminy au niveau financier, ma gueule. On va le mettre plus bas que terre. Exactement, lui et son entreprise de Choupa Choups, c'est terminé. C'est fini, c'est démodé les Choupa Choups de toute façon. Ensemble. Merci beaucoup. C'est la fin de cette période soap opéra et on va repartir tout de suite avec la dernière période qui est celle de... Vous avez 60 ans. Non, vous avez même 70 ans. Ah ouais, d'accord. 70 ans. Alors que toutes les intrigues dont vous avez parlé sont finies, sont établies. Et ça va être à vous de faire le bouquet final, en fait. Okay. Il faut qu'on parle de votre père, l'entreprise de votre père, comment elle va, Jeanne, qui est avec elle, Jiminy, qu'est-ce qui se passe avec ce putain de Jiminy, incroyable. Ok, ça va. D'accord. Et vous avez... voilà, vous êtes vieux. Ok. Je vous mets une petite musique vieux, pardon. Pardon pour les vieux, hein, c'est des clichés, mais on vous aime bien. Cliché. On fait des clichés sur tout le monde. Hein. Bonjour, la vieux. Bonjour, la vieux. Allez, c'est reparti. C'est celle-là ou pas? Oui. Théon. Ouais, mon petit Joe. Ouais. Ah, tu te rends compte, il s'en est passé des choses. Hein. Ah bah, on a fait fortune dans le bon mec, comme diraient les jeunes maintenant. Bah ouais, bah qu'est-ce que tu crois, ouais. C'est vrai, on a fait unir nos deux entreprises. Ouais. Mettre du goudron dans les bonbons. On ne pensait pas que les gens seraient accros. tiens. Merci. Non, et puis, je crois que le meilleur souvenir qu'on peut avoir de notre jeunesse, c'est quand même... Cette putain de faillite, Jiminy, non? Je t'avoue que c'était l'un de mes meilleurs souvenirs. Papa aurait été fier de nous? Exactement. Tu te rends compte quand même? Ah, on y a été un petit peu fort, hein? Ouais. Je... Mais écoute, j'espère que Jeanne Delahaut, elle nous en voudra pas trop. Ah, c'était le seul moyen. On ne pouvait pas se l'acquérir toutes les deux. Donc, il fallait la faire partir. Ouais. Très loin. Mais enfin, écoute... Maintenant qu'on est à la retraite, qu'on s'est réconciliés et qu'on vit de belles aventures en fin de vie. Oh oui. Il faut que je te donne cette petite lettre que Jeanne m'a donnée avant de nous quitter. Ah bon? Ouais. Bon. Je te préviens, elle parle de ton fils. C'est pas vrai. C'est Mallory? Mon amour, je suis vraiment désolé. J'ai dû m'absenter. Je n'en pouvais plus de vos querelles. Vos efforts pour renverser Jiminy m'ont mis dans un état impitoyable. Je n'arrivais plus à respirer, je n'arrivais plus à rire, je n'avais plus goût à rien. Je suis donc parti là-haut, au Tibet. Je te laisse le soin de t'occuper de Mallory. Il est encore un petit peu sénile et ne comprend pas tout ce qui se passe. Un peu teubé, je dirais. Mais c'est ton fils. C'est mon neveu. Occupe-t'en bien. PS, fais gaffe à Théan. C'en est peut-être le père. Quoi? Théan? Joe? Quoi? Cette lettre? Oui. Tu l'as lue jusqu'à la fin? Oui, je l'ai lue jusqu'à la fin, Joe. Tu te souviens de cet été où il faisait extrêmement chaud? On s'était retrouvé au lac avec Jeanne, t'étais censé venir pour nous expliquer sur l'affaire Gemini. Oui. Eh ben, en t'attendant, on a bu quelques coups, quelques verres. On a parlé du bon temps passé et de fil en aiguille, on s'est allongé dans l'herbe. J'ai passé ma main dans son cou, le long de son corps. Et patatras, Mallory est là. Du coup, ça fait depuis toute ma vie que je me suis occupé de ce petit enfoiré. Alors que toi, t'étais là à te pavaner. Je me suis pavané, mais en secret, je lui ai versé des sous pour ses études. Oh, c'est pas possible. Tu sais quoi? Oui. Je me retire de ce monde cruel et je m'en vais loin. Très loin. Je m'en vais. Où en Amérique latine. Oh non. Incroyable cette improvisation. Bravo. Et patatras. Alors, patatras, mais qu'est-ce que ça vient foutre là? Voilà, je trouve que c'est très poétique pour dire voilà. Poétique? Ah ouais, ouais, non mais d'accord. Poétique enfantin, mais voilà, quoi. J'adore. Et patatras. Formidable. Une vie pleine de rebondissements. Bon, et ben patatras, j'ai envie de dire, c'est la pause. Exactement. On écoute la chanson Etoc. J'ai vu de la lumière. C'est jusqu'à 23h sur Indestar. Rebonsoir à vous, il est 22h14, ça fait 1h15 que vous êtes avec nous, on est à la bourre. Est-ce que ça va toujours dans le studio? Bah, impeccable, hein. Toujours, on est là, t'as vu? Bré. Voilà. Représente. Ah, c'est formidable, ça me remplit de joie. Putain, on a Benoît Poulvord qui parle avec les Kaira, quoi. Ah non, Benoît Poulvord, c'est plutôt comme ça, non? Ah ouais, non, j'arrive. J'ai dit non, Sheila. Voilà, c'est la seule phrase que j'ai de Benoît Poulvord. Ok, donc la prochaine improvisation à venir est une improvisation en mode jeu de rôle. Ouais, ok. Et pour ceci, j'ai amené mes dés. Ça va être un jeu de rôle dans un monde post-apocalyptique, donc après un apocalypse. Et donc, j'ai fait ça un petit peu sérieusement cette fois, à savoir que j'ai ramené des petites fiches de personnages. Oh putain. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai un jeu de rôle samedi. D'ailleurs, je fais un bisou à Yann, Laura, à Babou et à Di. Des bisous à vous. Des bisous qui nous écoutent d'ailleurs. Bah oui. Donc, Lola. Alors, j'ai fait un truc assez minimaliste. Alors, laissez-moi parler. Pardon. J'ai donc une fiche de perso avec le nom, le métier de la personne et ensuite des statistiques. Donc, j'ai mis physique, dextérité et intelligence. Je sens que tu nous as fait des trucs assez what the fuck. J'ai rien fait pour l'instant, je vous laisse décider du nom et du métier de votre personnage. Donnez-moi un métier par exemple. Un petit peu... Plombier. Plombier, ouais, d'accord. Et chirurgien. Ok. Formidable. Et maintenant, je vais tirer vos caractéristiques au dé. Ok, vas-y. Et donc un dé 100 avec moi. Et le physique de Jean. Il a fait tomber un dé pour ceux qui ne voient pas. Voilà. Il a fait tomber un dé. Est-ce que Karim Benzema sera retour en équipe de France? Donc, merci beaucoup pour avoir meublé. Le dé était tombé. Ouais. Donc, Jean a donc 11 en physique. Ok. C'est bien ou c'est nul? C'est plutôt crevette. C'est plutôt. C'est ce que j'allais dire. Allez, vas-y, fais-moi un plongée. Je suis un bon plombier. Vas-y. Entre la crevette et la moule, mais c'est plutôt de la crevette. Vas-y, fais-moi rêver. Pour toi, Théo. 7. Donc, tu es plus. Toi, tu tends vers la moule. C'est-à-dire que là. Hey, c'est la première fois de ma vie que j'ai l'impression de me sentir comme une crevette pour de vrai. Ah ouais, là. 7 de physique, quoi. C'est les dés, hein. C'est les dés. Alors, l'intelligence de Jean, eh ben 98. Ça. Oh! Non, mais en fait, je vais être le boulet du groupe, moi. Prix Nobel. Allez, fais-moi un bon jet, s'il te plaît. 51, ça va. Je suis un homme normal, quoi. Lui, c'est un génie. C'est un peu ça. Ensuite, dextérité. La dextérité, donc tout ce qui est manuel, le travail d'artisan, tout ça qui peut être utile dans ce genre de monde. Ça, c'est Jean. Tu as 0,4 par contre. Ah, terme chirurgien. Tu as 4 en fait. Pété au sol, c'est toi. C'est clair, je donne juste les ordres. Alors, je vous ai opéré de la vésicule biliaire, mais donc, j'avais juste de l'eczéma. Bah, je place au passage, t'es incapable de craquer une allumette. Ok, d'accord. 4 en dextérité, c'est ça, hein, techniquement. Ok, faut que je sois bon, moi. 68, ça va. Ah, ça va, je suis un bon plombier, moi. Ouais. J'ai l'arrêt qui dépasse, je suis tout, là, je suis bien, quoi. un Jean, et chirurgien. Voilà, on a nos caractéristiques. Je vous laisse prendre les petites fiches de perso, marquer vos noms et votre métier pendant la petite pause. Et on va revenir donc avec cette improvisation jeu de rôle post-apocalyptique. À ok. On écoute Alm avec sa chanson Don't. Non, avec sa chanson That Don't Impress Me Much. C'est une cover. À tout de suite sur Indestar. J'ai vu de la lumière, 21h-23h. Sur Indestar. Place à l'impro. Là, voilà, la petite l'a pas dit, donc je le dis à mon tour. Est-ce que vous êtes toujours chaud? Ah bah ouais, bah ouais, bah ouais. Est-ce que vous êtes toujours là? Bah oui, du coup. Est-ce que vous êtes prêt à entrer dans un milieu où la terre est désolée? Bah, étant donné que j'ai un physique de 7 et que mon pote il est incapable de marcher droit et de lever une jambe après l'autre, ça va être compliqué, mais bon. Donc, je vais vous demander bien sûr de vous créer des personnages à partir des fiches que vous avez, vos noms. Est-ce qu'on peut avoir vos noms? Ah, commence, Jean, vas-y. Alors, moi, c'est Docteur Résus. Résus? Voilà. Comme Résus? C'est ça. Non, en fait, Résus, en fait, alors pour passer une petite dédicace, ma meilleure amie est infirmière là, et justement, elle est en plein partiel. Et on parlait l'autre fois sur le Résus, donc tout ce qui est dans le sang et compagnie, le RH, le R-, le. J'y comprends rien, donc je me suis dit, vas-y, c'est une petite dédicace. D'accord, très bien. Ben, des bisous au Résus, tout ça. Voilà. Résus, si tu nous écoutes. Je vais passer pour un con avec mon nom, du coup. Jean, tu fais quoi dans la vie? Je suis humoriste. Non, Ah, pardon, Résus. Docteur. Non, c'est ma faute. Docteur Résus, que faites-vous dans la vie? Je suis chirurgien. T'as d'accord. Combien d'intelligence sur ton perso, là? 98. Mais si on met une vie. Et... Quel est votre métier? Humoriste. Attends, Jean, il y a un truc. T'as combien en dextérité, toi? 0,4. Et t'es chirurgien? Oui. Ouais, alors justement, d'où mon intelligence, c'est que je ne me salis pas les mains. J'envoie les personnes. D'accord. Voilà. Tu leur dis il joue au docteur Maboule à chaque fois qu'il opère quelqu'un, c'est un peu compliqué. Exactement. Bien sûr, pour les auditeurs, plus le chiffre de la compétence est proche de 0, plus c'est nul. Plus c'est proche de 100, plus c'est fort. En gros. Théo, bonjour. Bonjour. Comment s'appelle ton personnage? Bon, bah moi c'est Pignolin. Pignolin. Pignolin, c'est un prénom, un nom de famille? Non, c'est son prénom. Dans sa famille, ils ont tous un sacré sens de l'humour parce qu'ils sont tous plombiers. Et moi, je suis plombier. Je suis Pignolin le plombier. Est-ce que tes frères et sœurs s'appellent Masturbine? Non, c'est pas Pignolin dans ce sens-là. Prénoms. C'est vraiment proche de la nature, quoi. D'accord. Et donc, ton métier, c'est plombier. Plombier, d'accord. Bon, j'ai un physique de 7. D'accord. J'ai 68 en dextérité. Ça va. Et j'ai 51 en intelligence. Très bien. Pour un mec qui s'appelle Pignolin, c'est pas mal, hein? C'est vrai. Non, j'avoue, c'est pas mal. Donc, bon. Vous allez bien sûr essayer de créer vos personnages, de les faire vivre à travers vos voix. Essayer de faire en sorte qu'ils correspondent à votre métier, à vos caractéristiques. Jean, t'es en intelligence, t'as le droit de te la péter à mort, prix Nobel, tout ça. Exactement. Et donc, on se retrouve. Alors. Jean, allume un feu. Ma phrase préférée, voyez ça avec mon collègue. On est que deux. Donc, on se retrouve dans un monde désolé. Dans un monde où, il y a une semaine, il y a eu une grande catastrophe nucléaire. Ou en tout cas, on le suppose. Il y a eu un grand bruit avec des grandes tempêtes. Et vous deux, vous êtes inconscients. Ok. Et vous vous réveillez dans un abri anti-nucléaire. Vous ne vous connaissez pas. Donc la première étape, ça va être de faire un pas vers l'autre, de savoir qui vous êtes l'un pour l'autre. Et votre but, votre quête principale, ça va être de découvrir ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là. Et petite question, toi, tu fais un peu le MJ du coup? Je fais complètement. Tu fais le MJ, donc tu vas nous foutre des bâtons dans les roues, des trucs comme ça? Alors des bâtons, non, je vais faire arriver des éléments. Ok. Quand vous allez essayer de faire une action, par exemple, je sais pas, ouvrir une boîte de conserve, je vais lancer donc les dessins. Ah ouais, carrément. Ah bah oui, bien sûr. Surtout si c'est Résus qui ouvre la boîte de conserve. On fait un petit essai comme ça à vide. Toi, t'as combien en dextérité? J'ai 68. Là, j'ai lancé les dés, j'ai fait 33. Sur 68, du coup. Donc, tu n'as pas réussi à ouvrir la boîte de conserve. Ah oui, d'accord. Ah si, attends. Quand c'est en dessous de c'est ta bon. Capacité, c'est bon. Si c'est par 68 contre, ou si... plus, voilà. C'est raté. Absolument. Ok. Et plus c'est proche de 0, plus la réussite est critique. Mais alors, lui, avec sa dextérité, c'est comment? 0,4. Ah bah 0,4, va falloir que tu te tiennes un peu. Ouais, c'est ça. En retrait, quoi. Ouais, non, mais moi, c'est moi qui te donnera les quoi faire. Non, vous êtes assez complémentaires, je ouais. pense. Dans... Ouais. Non, c'est vrai, ça devrait bien se passer, t'inquiète pas. Ça marche. Donc, votre quête, c'est de découvrir ce qui s'est passé. Ok. Voilà. Je vous laisse vous présenter. Vous pouvez bien sûr avoir une famille, okay. avoir des choses à faire. Donc je rappelle que ça fait une semaine que vous êtes dans l'abri, que vous vous réveillez maintenant. D'accord, ok. Et voilà. Est-ce que c'est bon pour vous ? C'est bon. C'est bon. Eh ben, c'est nickel. On y va pour le jeu de rôle post-apocalyptique. Attendez. C'est parti. Le réveil. Ah mon dieu. Dans un écrou. Voilà, ouais, je vais... Où qu'on est là ? Je... Eh ben, vous êtes qui, vous ? Non, vous, vous êtes qui ? J'ai posé la question d'abord. Je suis le docteur Résus. Enchanté. Moi, c'est Pignolin, le plombier. Enchanté, Pignolin. Vous savez comment on a atterri ici ? Bah... C'est un peu flou dans ma tête, quand même, hein. C'est-à-dire que j'étais sur un chantier, moi, à la base, pour tout vous dire. Mm-hmm. Voilà, chantier de plomberie, récupérer les tuyaux, rechanger les tuyaux, enfin, tout, tu connais, quoi. Mm-hmm. Et puis, d'un coup, bam, le noir. Le noir, ok, d'accord, très bien. Moi, je suis chirurgien, donc je veux dire, j'étais au bloc. Je faisais faire une opération d'accord, à un collègue, hein. Tandis que je demandais à un autre collègue de me faire boire un café. D'accord. Vous étiez occupé, quoi. Voilà, j'étais vraiment occupé et d'un coup, blackout, quoi. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Écoutez, je pense que la meilleure des solutions, ce serait de faire un tour. Vraiment, essayer de voir ce qui nous entoure, voir comment ça se passe dehors. D'accord. Alors, c'est une bonne idée. Je fais un petit aparté pour vous dire que vous pouvez très bien interagir avec votre environnement. Il faut juste me le dire. Okay. Par exemple, vous faites un tour, donc je vais lancer un dé et on va voir si vous trouvez des choses. Et voilà. En gros. On est sorti du bunker ? C'est une petite question. Non, vous êtes dedans. Okay. C'est vous qui décidez de tout ce que vous faites. Okay. Vous êtes dans le bunker, il y a une pièce principale, deux lits, une armoire, et voilà. Ok. C'est parti. Bon. Là, ok. Où quelle est la... Faut qu'on trouve la sortie, là. Faut qu'on trouve la sortie. Vous vouliez chercher un petit peu, faire le tour du bunker ? Oui. D'accord. Alors, je... Jean, combien tu as en intelligence ? 98. D'accord. Théo ? J'ai 51. 51. Vous avez tous les deux réussi vos jets. Donc, vous trouvez dans l'armoire trois boîtes de conserve de thon au naturel. Oh. Mm-hmm. Vous trouvez également un pied de biche. Ok. Et vous trouvez également une carte des alentours. Ok. Avec la... ouais, voilà, c'est bon. Ok, très bien. Bon. Déjà, ce qui est bien, c'est que on a de la graille. Oui, je vois ça, mais avez-vous faim pour l'instant ? Pour le moment, non, mais je pense qu'on devra garder les choses pour nous, pour plus tard, enfin, toi, ce que je veux dire. On doit les garder, mais je vous rappelle qu'on ne sait pas ce que l'on fait ici et je ne sais pas si nous sommes les seuls. Donc, pour ça, faut qu'on foute le nez dehors, mon cochon. Hein. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir la porte silencieusement. Mais nous devrons sacrifier une boîte de thon afin d'en fabriquer une clé nous permettra d'ouvrir. D'accord, mais alors par contre, on fait ça, d'accord, mais ça ne dit pas d'abord qu'on regarde la porte s'il y a une serrure ou pas. Parce que si ça a juste un bunker, en général, t'as pas la clé dedans. Ça peut être une bonne idée, ouais. Ouais. Regarde la porte, tu vas voir ce qui se passe. Vas-y, regarde la porte, t'es plus près de moi. Excusez-moi, je n'arrive pas à l'ouvrir. Bon, attends, t'as pas fait de jet encore. Quand tu fais une action, il faut que tu me le dises et je lance un dé qui va déterminer cette action. D'accord. Chaque action que tu vas faire, gamin, c'est le grand maître qui va jeter le dé pour te dire t'as réussi ou t'as pas réussi. Très bien, c'est ça. Bah, allez. Donc, j'essaye d'ouvrir la porte. La porte est faite avec un espèce de volant de métal qu'il faut tourner pour ouvrir. Tu essayes d'ouvrir la porte, Jean ? Oui. Combien est-ce que tu as en force, en physique ? En physique, 11. Tu essayes de pousser de toutes tes forces et ça ne bouge pas d'un poil. Ok, moi ce que je propose c'est qu'on tourne ça tous les deux. Moi du coup je vais essayer d'aller aider les copains. D'accord, très bien. Bah, par contre j'ai 7 en physique. D'accord, vous avez combien tous les deux ? En tout ça fait 18. Hein ? Bah il a 11, moi j'ai 7. Ah oui, d'accord. Voilà. Eh bien c'est raté. Vous allez devoir trouver un autre moyen d'ouvrir la porte. Sachant que vous pouvez essayer de la forcer en utilisant vos stats d'intelligence bien sûr. Ok. Alors, on regarde les objets qu'on a, parce que là, on va pas y arriver à Mano. Mm-hmm. On a les boîtes de thon, mais c'est pour graille. Mm-hmm. On a la carte, mais je pense qu'on va se servir quand on sera dehors. Mm-hmm. Donc, du coup, il reste quoi ? Le pied de biche. Le pied de biche. Bon, ben, c'est parti. Le pied de biche. Qui essaye ? Moi, je te propose que tu essayes, parce que tu es plus intelligent que moi, donc trouve un stratagème pour essayer de la bouger, la porte avec le pied de biche. Très bien, c'est parti. Alors, le pied de biche. Ce que je pense qu'il faudrait essayer de faire un levier. De faire un levier au niveau de la... Tu tentes un levier et tu essaies d'ouvrir comme ça ? Ouais, ok. Ouais. Ok. Alors en intelligence, Jean, tu as 98. Ok. Et en dextérité 0,4. Ça passe. On va dire que le géant d'intelligence, ça va, t'es un prix Nobel, donc ça passe. La porte s'ouvre et vous vous aventurez quelques mètres sur cette terre désolée. Il n'y a plus rien là où avant il y avait de l'herbe, des arbres, des choses comme ça. Vous distinguez dans les environs un village qui n'a pas l'air très, très peuplé. Et sur votre gauche, une centrale nucléaire. Une centrale, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai bien envie d'aller voir, ça m'intrigue. La quoi? Le village ou la centrale? Ah, le village m'intrigue. Je pense qu'on peut essayer de tirer quelques informations. Bah, je te suis. C'est tu gardes le petit bus ou je le prends? Prends-le. Je le prends. Alors, vas-y, on roule, ma poule. En route vers le village. C'est parti. Vous vous aventurez dans le village. Le vent se fait plus fort au fur et à mesure que le temps passe. Vous avez l'impression de voyager dans un univers de western. Voilà. La végétation est morte autour de vous. Ça sent pas bon quand même, hein. Ouais, c'est trop calme par ici. Ah ouais, mais moi je trouvais que ça puait vraiment. Ouais, c'est... J'avoue que l'odeur n'est pas assez. Peut-être la boîte de thon, non? Ouais, enfin je sais pas, attends. Il y a beaucoup de maisons autour de nous là ou quoi? Non, pas encore, t'es pas encore dans le village. Ah, elle est pas encore dans le village, autant pour moi, pardon. À 100 mètres devant vous, il y a un homme qui est debout, qui ne bouge pas. Attention, arrête-toi. De quoi? Attends. Tu fais flipper là, qu'est-ce qui se passe? Regarde là-bas, regarde au loin, quoi? 100 mètres devant nous. Oh putain, il y a un gars de Joe qui est debout là. Il est debout, il bouge pas. Je vais essayer de lui parler. Prends le pet de biche avec toi quand même, si jamais. Hein. La diplomatie avant tout. Ouais, ok, bah si tu veux. Hein. Je décide de parler à cet homme. Oui. En intelligence, toi tu as... 98. Oui, d'accord. On va tout faire la diplomatie. Tu as fait 38, donc tu t'adresses à l'homme, qu'est-ce que tu lui dis? Excusez-moi mon brave, savez-vous où nous sommes? L'homme a le visage baissé. À t'entendre, il lève la tête très lentement, te regarde dans les yeux, te dévisage. Excusez-moi, vous parlez français? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit le petit là? Pour toute réponse, l'homme pousse un grognement. Qu'est-ce qu'il dit? Il grogne. Ah, mais du chemin, bouge-toi de là, il grogne. Un homme, ça grogne pas, recule donc. Qu'est-ce que tu comptes faire? Recule, reviens avec moi, on va se protéger. J'ai le pet de biche, là. Il va te bouffer le tout cru, c'est un recul. Je recule. Est-ce que je fais un jet pour essayer de voir si je le convainc ou pas? Oui, tu peux faire ça. Ok, bah ça sera quand même plus. Parce que intelligence, t'as combien? 51. Ça passe pas, t'arrives pas. Il y va. Mais qu'est-ce que tu fous? Ah, laisse-moi. Je suis quand même prix Nobel. J'ai remporté vraiment. Voilà les prix, laisse-moi. Ok, ce genre de bah dans ce cas-là, moi je cours comme un grand malade et puis je vais essayer de kicker la gueule de l'autre trou de cul en face là. Donc Jean, plus tu t'approches, plus tu remarques que l'homme n'a pas l'air normal, pas l'air dans son état normal du tout. Il a les pupilles complètement noires et il a l'air de se déplacer avec beaucoup de mal. On dirait qu'il a été très affecté par ce qui s'est passé avant. Il te dévisage et il te dit « Vous n'étiez pas dehors pendant que ça s'est passé. » Non, mais que s'est-il passé? On s'est réveillé justement dans ce bunker avec... Vous voyez l'homme qui court là-bas? On s'est réveillé il n'y a même pas 20 minutes dans ce bunker et on essaie de comprendre ce qui se passe. Bah alors, qu'est-ce qui... Oh la vache, c'est quoi la tête qu'il a, lui? Attends. Reste calme. Je sais pas ce qui s'est passé. Je viens du village, il n'y a personne. Les rues sont complètement vides. J'ai entendu des bruits, mais... Pas moyen de mettre le doigt sur ce que c'était. Mais regarde sa tête. Je m'adresse à Ressus et en essayant d'être discret. Mais regarde sa tête. Intelligence, t'as combien? 51. Ça va, t'arrives à être discret. Mais regarde la tête qu'il a, Ressus. Écoute. Il a les yeux noirs. Noirs comme le pétrole. Écoute, ne faisons pas de différence et essayons d'en apprendre un peu plus. Pouvez-vous nous conduire dans un endroit un peu plus isolé? J'ai plus d'endroit, j'ai rien du tout. Et plus ça va, plus je sens que mon corps va tomber d'une minute à l'autre. Non, laissez-moi tranquille. Non, tenez bon, on est plus fort ensemble. Voulez-vous nous accompagner? Qu'est-ce que tu fais? Mais t'es un grand malade, toi! Il demande à un mec chelou de s'accompagner, mec. Mon père m'a toujours dit, fais gaffe au mec, là, tête chelou. Il a une tête chelou, il t'a dit, fais venir avec nous. Ne t'inquiète pas. Plus ça va, plus tu as l'impression que l'œil de l'homme se remplit de noir. L'homme semble être ailleurs pendant un moment, quand tout à coup, son regard change complètement. Et vous voyez de la colère dirigée contre vous. Rezos. Oui. Va peut-être falloir bouger son cul et se mettre à courir parce que le mec va nous bouffer dans pas longtemps là. Là, je pense, là, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Vous allez prendre une action vite. Qu'est-ce que vous faites? On court. Vous courez dans quelle direction? Dans l'opposé, vers la centrale. Physique, combien? Oh, j'ai 7. Alors, au moment de. Vous avez fait 91, donc je suis désolé, mais là, vous n'arrivez même pas à courir. Au moment où vous alliez vous retourner pour courir, vous vous prenez les pieds dans vos lacets qui n'étaient pas faits. Ah, putain! Et vous tombez à terre. Pendant ce temps-là, l'homme poursuit sa course et se dirige vers vous avec des grognements. Attends, mais. C'est pas possible. Ok, je m'en vais lui mettre un coup de pied de biche dans la gueule. Coup de pied de biche? D'accord. Dextérité ou pas? Dextérité. 68. Ça passe. Tu lui mets un coup de biche. Un coup de pied de biche. Il lui prend l'animal et... Il y avait une biche qui courait derrière, j'avais pas dit. Mais... J'ai attrapé Bambi, j'ai mis un coup de Bambi dans la gueule. Non, tu mets un coup de biche sur l'homme étrange, il tombe inconscient. Ok. C'est bon. Regarde, fouille-le. Que... Bah t'as fouille-le. Ok, je regarde dans ses poches. Il regarde dans ses poches. Oh, qu'est-ce que... C'est quoi cette carte? Du sang? Bah je sais pas si c'est une carte, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fouillé dans les poches du zombie. Ah, alors c'est moi qui décide ça. Bah ouais, parce que ça c'est ce que tu trouves dans le zombie quoi. T'as fait 56, c'est pas mal. Dans les poches de l'homme, tu trouves les clés d'une maison. Tu trouves un portefeuille. Il s'appelait Javier Bush. Il s'appelait Stuboy. C'était un cheval blanc. Il avait 42 ans et tu trouves une carte de son entreprise de boucherie. C'était un boucher. Regarde cette carte de boucherie. Ça ne te rappelle rien? Mal. C'est la carte qu'on a trouvée dans le placard. Ah ouais, fais voir la carte que t'as. Tiens, regarde, on n'avait qu'une partie. Ici, on la met avec cette carte-là. Qui essaye de lire la carte? Toi. Ouais, ça passe. Tu trouves dans le village donc une petite enseigne avec la boucherie. Donc c'était la maison de l'homme. Vous pouvez y aller pour essayer de trouver plus de renseignements. Ok. Allons-y. Bah c'est bon. C'est bon. Vous arrivez au village. L'endroit est complètement désert. Pas âme qui vive, pas un chat, pas rien du tout. Vous avancez, et plus vous avancez, plus vous trouvez de portes closes, de planches sur les fenêtres, ce qui veut dire que les gens étaient préparés à ce qui allait arriver. Oh. Qu'est-ce que vous faites? Moi, jette un coup d'œil autour de moi, voir si je vois un truc quelconque. Ouais. Ne t'éloigne pas. Non, mais je reste à côté de toi, mais je regarde autour de moi comme ça, voir si je vois un truc. Devant, t'as combien en intelligence? 51. Ça passe. Devant la mairie, tu trouves la mairie. Ok. Tu t'avances un petit peu pour essayer de voir à l'intérieur et tu trouves une pancarte, une grosse pancarte avec « L'ordre a été donné. Cachez-vous avant le 22. » Razus. Oui. Alors, je vais te lire un truc, tu me dis si c'est inquiétant ou pas. Vas-y. Alors, attention, c'est marqué « L'ordre a été donné. Cachez-vous avant le 22. » Ça fait peur ou pas? Avant le 22? Bah, le 22, c'était pas. C'était il y a. Sachant que vous êtes le 29 juillet. Oui, oui. C'était à quelques jours déjà le 22. Bah, oui. Donc, c'est pas possible. Pourquoi on n'a pas vu l'info? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment inquiétant. Il n'y a personne. Les personnes qui ont été là. Elles sont cheloues. Ouais. Et au courant surtout. C'est pas possible. Je te propose qu'on aille vraiment à la centrale. À la centrale? Vous pouvez aussi essayer de fouiller dans les maisons, voir. Cette pancarte est plutôt étrange. Bah, quelque part, au bout d'un moment, s'il y a la pancarte dans ce village, ça veut peut-être dire qu'il y a une couille dans le village aussi, quoi. Quand tout à coup, derrière vous, vous remarquez un homme. L'homme était en train de vous regarder. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ce délire encore? Mais ça a l'air à bol, là, les hommes chelous. Écoute, on a essayé tout à l'heure ma méthode et il s'est mis à grogner. Bah, ouais, donc on va faire la mienne, hein. On fait la tienne. Ok, on va pas le calculer. On va essayer de passer à côté sans qu'il nous saute dessus. Très bien. On va essayer de passer à côté. L'homme a l'air normal, mais quand il voit que vous l'avez remarqué, il fuit dans une impasse. Ok, on change de plan, on le court après ce bâtard. C'est parti. En physique, vous vous cassez la gueule également parce que vous avez toujours parfait vos lacets. Ça, vraiment, vous auriez pu le faire par contre, hein, faire vos lacets. Vous en avez pas empêché. Bon, écoute, Razus, on va faire un truc. Moi, j'en ai rien cul, hein. C'est des couverts, j'ai payé la peau du cul. Fais les lacets, après, on va l'attraper le bonhomme. Hein. Allez, c'est bon, vous faites le bon lacet. Et vous poursuivez l'homme dans l'impasse. Mais au moment où vous y arrivez, vous rendez compte qu'il n'y est plus. C'est une impasse faite avec des bâtiments en béton. Il n'y est plus. Ok, alors je vais essayer d'analyser un peu tous les murs parce que comme je fais de la tuyauterie, de la plomberie, bah, en général, j'arrive à savoir où passer le truc. Donc la façade des maisons, ça n'a pas trop de secrets pour moi normalement. Donc je vais regarder et je vais te dire si c'est un mur à cloison tuyautière ou si c'est un mur porteur. Très bien. D'accord, j'essaie d'analyser. Exactement. 51. Et oui, tu découvres dans un recoin un petit peu isolé une alcôve qui débouche sur une porte. Et derrière cette petite porte, il y a une échelle qui conduit en bas. Tu ne sais pas où ça va, bien sûr. J'ai trouvé un alcôve, l'eau. Ah, j'arrive. Oh, il y a une échelle, elle fait tout noir en bas. Comment qu'on fait? On descend, qui descend en premier? Attends. On ne connaît pas encore la profondeur du... Tu n'as pas quelque chose dans tes poches qu'on peut lancer en bas pour voir la profondeur du... Bah t'es con ou quoi? T'as qu'à ramasser un bout de caillou, il y a un caillou par terre. Ok, 4, 0, 4. Non, ça va, j'ai pas faire de G. Même si t'es un con, tu peux ramasser un caillou et le voilà. C'est bon. Merci, je le rends. Allez, je le lance. Ok. J'évalue à 8 mètres. 8 mètres, putain, c'est profond, hein. Écoute, je pars en éclaireur, Si jamais il se passe quelque chose, tu sauras justement faire face et me prévenir. Bah écoute, de toute façon, au bout d'un moment, on s'est cassé la gueule trop de fois à cause de toi, donc je vais y aller avant toi. Donc je descends un éclaireur dans le... Vas-y. Dans le trou du cul noir. Vas-y. Donc, Pangolin, non, comment... Pignolin. Pignolin. Pignolin, donc s'aventure dans le conduit étroit. Il descend les barreaux un à un, en faisant bien attention où il met ses pieds. Et il arrive à une espèce de salle, et derrière, il entend des bruits. Donc devant toi, il y a une porte et derrière, tu entends des bruits. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Est-ce que je peux essayer d'appeler Razus d'en haut? Tu peux essayer. C'est quoi comme truc? Intelligence Ouais, intelligence, ouais, on va dire. Ça passe. Razus? Oui? Faut que tu descends, il y a un truc spécial, là. J'arrive, je descends. Razus descend, vous êtes tous les deux devant la porte. T'entends ce que j'entends, là? Qu'est-ce que... C'est pas possible, on entendait... Tout un tas de machines. Mais j'ai l'impression que c'est comme l'entrepôt. Tu sais, où t'as les. Où quand tu revenais de le boulot, bah, tu sais, les gens ils tapent à la machine là, pour faire le devis ouais, pour le client. C'est exactement ça. Ce que je te propose, c'est d'essayer d'ouvrir cette porte discrètement. D'accord. On en trouve la porte pour essayer de passer le tété là. Puis regarder comme ça. Vas-y. Ok, vas-y, on essaie d'en trouver. J'essaie d'en trouver la porte. D'accord. C'est physique. Donc 91, tu perds. Tu ouvres complètement la porte parce que tu tombes dessus et tout le monde dans la salle, il y a à peu près 30 personnes, te remarque et te regarde, te dévisage. Bonjour monsieur Dom, c'est le plombier. Quelqu'un vient vers vous, il a l'air d'être le chef, il vous adresse ses motions. Qu'est-ce que vous faites là vous? Bah comment... Razus, va voir. Oui, bonjour, excusez-moi, nous sommes en retard clairement. Et pouvons-nous prendre part à notre poste? Non, vous ne pouvez pas, non. Vous ne travaillez pas ici, vous ne savez pas ce qui se passe. Alors, moi je vais tenter la version. Non, tu te tais, d'accord? Je peux essayer de le convaincre de me laisser parler? Ouais, tu peux. Intelligence. 51. Non, 95, non, ça ne passe pas du tout. Ah bah, L'homme va vers vous et vous contrôle les yeux pour voir si vos rétines ont changé. Aïe, ça fait mal votre délire là. Est-ce que vous acceptez ou pas? Bah oui. Oui, d'accord. L'homme est satisfait. Bon, c'est bon, vous êtes pas d'entre eux, mais qu'est-ce que vous faites là? Bah comment vous dire, on s'est réveillé, on était dans un bunker. On est sorti du bunker. On a vu un mec chelou, je l'ai mis un coup de tête biche dans sa gueule. Après on a été à la mairie, on a vu la pancarte là, l'ordre était donné 22 août 2022. D'accord. Et puis à ce moment-là, on s'est retourné. Hein, Razus, t'étais là. Hein. Oui, j'étais on là. A vu, on a vu un gajo là qui était là et qui s'est mis à courir. Attends. Quoi? Il est là-bas dans le coin. Il regarde celui qui nous regarde. Ah bah ouais, c'est lui là. Oui, bah lui, on le connaît bien, c'est un spécimen, on l'a mis là pour l'étudier, d'accord. Mais il nous a fait flipper de le courir après, c'est comme ça qu'on est arrivé ici. Oui, écoutez, appelez ça comme vous voulez, zombie ou mort-vivant, mais depuis la catastrophe, il y en a plein des comme ça, d'accord. On est en train d'essayer de construire un vaccin ici. D'accord. Oh, bah est-ce que vous avez besoin d'un coup de main, d'autre chose là? Non, non, attendez. Vous êtes en train de parler de vaccin, alors qu'est-ce qui se passe dehors? Écoutez, j'en sais pas plus que vous, si ce n'est que ces bêtes-là, là. Si elles vous mordent, vous devenez comme elles, d'accord? Bah vous avez fait des analyses, genre comment on fait pour savoir si on a trop de cholestérol, genre prise de sang? Quoi? Vous avez fait de prise de sang sur le bestiau? Oui, on sait que s'il vous mord, ça se transmet par la salive. Vous voulez vous rendre utile? Bah ouais. Oui. Dans la centrale. Ouais. Vous savez, au nord d'ici. Ouais. Ils ont des échantillons de cette maladie-là. On a des raisons de penser que, avec l'explosion atomique qu'il y a eu, cette maladie s'est répandue dans l'air. Ouais. Très bien. Aujourd'hui, elle se transmet par la salive, mais si on avait ces échantillons, on pourrait faire un vaccin. Très bien, et vous avez besoin de nous pour y aller? Oui. Alors que vous êtes 30 dans cette... Écoutez, on est des scientifiques, on n'est pas là pour faire... On est les meilleurs du monde, vous comprenez ça? Bah, tu sais quoi, gamin, tu bille pas, on va y aller avec Ressou, ça c'est mon gars sûr maintenant. D'accord. On va y aller là. On y va. Ok. Avant de passer à la suite de cette improvisation, on va écouter le pied de la pompe, le grand mystère. J'ai vu de la lumière. 21h, 23h. Sur Indestar. C'est reparti pour cette improvisation en mode JDR post-apocalyptique. C'est bon, non? On a mangé des cerises, on est bien. Et puis Jean, il est en train de se battre avec un moustique là. Ah, ça arrive. Vous aurez la réponse au combat qui de Jean ou le moustique gagnera en fin d'émission. On est reparti donc dans cette ambiance un petit peu pesante de la Terre post-apocalyptique. Donc, je résume un petit peu les événements. Toi, Pangolin. Pignolin. Pignolin. Ben, un nom pareil, ça s'oublie pas normalement. Pignolin et le docteur Ressous, vous vous êtes réveillés dans un abri anti-atomique. Pignolin, mais vous qu'est-ce ne vous connaissiez pas. Ouais. Pignolin, tu es plombier. Pignolin, plombier. Tu es plombier. Docteur Ressous, tu es chirurgien. Chirurgien, oui. Et vous avez ensemble décidé, enfin, vous avez fait connaissance d'abord. Ensuite, vous avez décidé de vous diriger vers le village le plus proche pour essayer de savoir ce qui s'est passé, parce que c'est votre but. Vous avez croisé en chemin quelqu'un qui avait l'air pas très bien. Bah, on peut ouais, dire ça comme ça, une espèce ouais. de zombie. Un petit peu. Puis dans le village, vous avez vu une affiche chez le maire avec marqué « Cachez-vous avant le 22 ». L'ordre a été donné. L'ordre a été donné. Vous avez vu quelqu'un qui vous observait et il a fui dans une impasse. Vous avez été dans cette impasse, il n'y était plus. Donc vous avez utilisé vos compétences pour trouver un passage caché qui menait vers un labo souterrain où des scientifiques vous ont accueilli et vous ont demandé d'aller chercher des indices à la centrale, enfin, des indices, virus. Un échantillon du virus pour qu'il puisse faire un vaccin. Et puis il faut aussi relever qu'on s'est cassé deux fois la gueule à cause de nos lacets. C'est vrai. C'est vrai. Je pense que c'est très important pour les gens qui viennent d'arriver. Oui. Comme ça, voilà, ils sont très contents de savoir que vous êtes. On est deux guignols. Mais alors, grave. Vous vous êtes cassé la gueule deux fois parce que vous n'aviez pas fait vos lacets, soit, mais vous les avez refaits du coup. Vos ouais. lacets. Donc tout va bien. Moralité, il faut mettre des scratchs. Tout à fait. Donc vous vous dirigez à présent, si je ne m'abuse, vers ouais, la centrale exactement. Nucléaire. Exactement, gamin. Pour essayer de trouver des échantillons de virus. Ouais, ouais. Vous vous éloignez un petit peu du village et vous croisez sur votre chemin trois silhouettes. Ils sont à peu près à 100 mètres, ils ne vous ont pas encore vu. Sur votre droite, vous avez un marais. Ok. Et sur votre gauche, juste le désert, la pampa. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Alors, sachant qu'ils nous ont pas encore vu. Bah ouais, moi je pense que je suis tenté de les suivre. Non mais est-ce qu'ils sont face à nous? Ou est-ce qu'ils sont dos à nous? Ils sont dos à vous. Dos à vous. Donc dans ces cas-là, petite question comme ça, si on veut les suivre, ça va être un jet de dextérité ou de physique? Si tu veux les suivre, comment ça? Parce que là, Arzus, il me dit, ouais, il me propose de les suivre. Mais... De les suivre, mais ils vont nulle part, hein. Ils sont immobiles. Voilà, donc ça veut dire qu'en gros, il faudrait qu'on arrive à passer incognito, Coco. Ouais, moi, ce que je te propose, c'est de se fondre dans la masse. Donc d'aller dans le marais? Ouais, non. Dans la pampa? Non. Ça serait de passer devant ces silhouettes en se comportant comme elles. Ah, moi, je suis grave chaud, hein. Ah, je fais du théâtre quand j'étais petit, donc quoi, je suis chaud, hein. Ah bah justement, nous allons mettre ses compétences à l'épreuve. C'est noté. Vous avancez sans dévier de votre itinéraire. Les zombies vont être sur votre droite bientôt. Vous êtes à 50 mètres des zombies. Vous êtes à 40 mètres. Vous êtes à 30 mètres. Vous êtes à 20 mètres. Et je vais vous demander de me donner vos caractéristiques d'intelligence et de dextérité. 68 et 51 pour ma part. 68, 51. D'accord. Jean. Et 98 et 04. Les numéros complémentaires. D'accord. Alors Jean, toi tu réussis à passer sans encombre, il n'y a pas de souci. Seulement... Enfin, docteur Réseau, ça, bien sûr. Mais toi, Théo... Pignolin. Je m'appelle Pignolin, mais pas Théo. C'est un prénom de merde. Théo, Pignolin, toi, au moment où tu es le plus proche des zombies, tu éternues. Ah, parce qu'un zombie, ça peut pas faire un tchoum. C'est pas la question, tu éternues. Bon, bah... Qu'est-ce que tu fais à présent? Dans ma galère, je gueule « Ressus, cours !» et je me mets à courir. D'accord. J'ai de dextérité, on va dire. Ouais, allez, vous parvenez à vous échapper. Parce que je suis gentil, il faut que l'histoire avance. Oui. Et surtout que parce que j'ai 7 en physique et que j'arriverai jamais à faire des jets de corrects avec 7 en physique. Hein. Mais là, ouais, c'est encore des faits, tu te casses encore la gueule. Ah ouais, c'était marrant les deux premières fois, mais... Je sais pas faire les doubles nœuds. Donc, vous continuez votre route. Les zombies semblent vous chasser un petit peu, puis s'arrêtent. Parce que c'est des zombies, donc voilà. Ça veut dire que niveau dextérité, ils sont encore plus bas que 0. Ouais, ils sont pas ouf. C'est des zombies un peu, tu sais, grévistes. Flamme de quoi. Vous arrivez devant la centrale. Oh, que c'est grand, ça. Vous constatez qu'il y a un endroit où il y a un gros cratère, comme s'il y avait une bombe. Donc, c'est ouvert, techniquement. Il y a également l'entrée principale, qui est gardée par des grilles. Et voilà, vous n'avez pas vu le derrière de la centrale. Donc c'est à vous de choisir. On essaie de forcer les grilles ou pas? Parce que s'il y a des grilles, ça veut dire qu'il y a un truc précieux derrière si c'est verrouillé. Si c'est verrouillé, oui, mais ça peut être justement trop facile. Ça peut être trop facile justement de passer par... Je te propose de faire le tour. Tu veux qu'on fasse le tour? Ouais. D'accord, et j'ai encore le pied de biche, je te préviens. Donc, s'il y en a qui se pointent, on lui marave sa tête. Exactement, je te fais confiance. Ça marche, on va faire le tour. Faisons le tour. Vous faites le tour, il n'y a rien, donc vous revenez là, vous étiez. Ok, c'est bon, on a fait le tour. Il n'y avait pas de garde, je voulais juste voir en fait comment c'était, si c'était vraiment du mur porteur comme sur le. Tu comptes acheter à la centrale ou comment ça se passe? J'ai de la thune. Alors. Donc, il y a une grosse entrée à gauche avec un trou d'obus et l'entrée gardée par les grillages et les codes de sécurité. Bah, va à gauche, Razou, tu connais à gauche? À gauche, oui, je te suis, ouais. On va à gauche. Ok, vous avancez dans le trou, donc créé par une explosion. Quand vous entrez, vous voyez que tout est détruit dans cette centrale. Les murs sont noirs de suie. Vous n'arrivez à distinguer absolument rien. Il y a devant vous un couloir qui mène apparemment à des salles. Mm-hmm. Et c'est tout ce qu'il y a. Bon, bah, du coup. Un couloir. Il y a pas mal de chemins. J'ai envie que l'on se sépare pour voir ce qui s'y passe. Mais j'ai pas confiance en ce qu'on pourrait y trouver. Donc je sais pas, à gauche, à droite. Allons, partons à gauche. Bon bah allons, on va à gauche. D'accord. Vous vous aventurez sur la gauche. Il y a au bout du couloir une salle, enfin une espèce de pièce dont les portes ont été renforcées avec une chaîne. Bah attends, ouais. Oui. T'as ton pied de biche? Bah ouais, mais tu sais, moi je passe un indice parce que moi quand je veux pas qu'on vole ma bob, ma mobilette là, quand je vais au boulot, je fous des chaînes autour, donc c'est-à-dire que c'est précieux, toi. Mm-hmm. Tiens, après, j'ai le pied de biche, on essaie de forcer les chaînes du coup? On va essayer parce qu'à part ce mur là, il n'y a rien autour de nous, je pense donc. Bah on essaie de forcer les chaînes du coup. D'accord, avec un pied de biche. Dextérité 68. Qui essaye? Toi, Théo? Bah ouais, parce que 04. Pignolin. Tu fais 33, tu réussis à casser la chaîne. Yes. La porte est devant toi. Qu'est-ce que tu fais? La porte peut s'ouvrir, bien sûr. Bah, je pousse la porte avec le bout du pied de biche. D'accord. Au moment où le pied de biche entre dans la pièce, tu vois une main noire, une main complètement nécrosée qui saisit le pied de biche. Ah, ça a merdé! Allez, c'est le carte pied de biche! Et la porte s'ouvre sur une trentaine de zombies qui t'ont remarqué et qui marchent vêtement dans votre direction à tous les deux. Il faut fuir. Faisons demi-tour. Passons à droite. Bah, faites bétoir. Et puis, peut-être biche, est-ce que je peux l'arracher de la main du zombie ou alors elle a trop de points? Tu peux essayer. Mais c'est physique? Ah oui, c'est physique. Oh bah, je me lâche le petit biche et je me barre avec Résus. Hein. D'accord, vous partez en courant dans les couloirs. Où est-ce que vous allez? À droite. À droite, d'accord, très bien. Vous vous aventurez au hasard au dédale des couloirs quand apparaît devant vous une pièce avec un petit symbole chimique dessus. Les zombies vous pourchassent. Rentre dans la pièce, on a pas la part de toute façon. C'est parti. La porte est bloquée. Non. Il y a un code ou quoi? Non, il y a une serrure. Il y a une serrure. Vite, il faut décider de ce que vous faites. Je sais, la boîte de thon. La boîte de thon. Qu'est-ce que tu fais avec la boîte de thon? On l'ouvre, on vide le thon et on se sert de Les zombies sont à 10 mètres. Attends, quoi. Tu prends le percule du thon et tu coulisses dans la serrure sur le teco comme ça. Voilà, c'est ça. Tu as fait 26, ça marche. Les zombies sont à 7 mètres derrière vous. Et ben, la porte, elle ouvre, on rate dans le truc, on ferme la porte derrière nous. D'accord. Dans la salle, vous apercevez. C'est un établi de chimie, un atelier de chimie assez grand. Ça fait à peu près 30 mètres carrés. Il y a des bancs avec des éprouvettes, des choses comme ça. Vous entendez quelqu'un respirer fort à partir d'un placard qui est à votre gauche. Qu'est-ce que vous faites? Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est Pignolin et Résus. Je pense que cette personne a peur. Et à ce moment-là de l'histoire, vous n'avez pas verrouillé la porte, donc un zombie réussit à entrer dans la salle. J'ai fermé la porte. Ouais, pas à clé. Bah, genre, les zombies, ça va ouvrir des portes maintenant. Les zombies étaient 30, ils ont très bien pu pousser sur le levier. Du coup, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose dans la pièce, genre une chaise, un truc comme ça? Tu vois des bouteilles, tu vois des sièges de bureau. Et bah, je prends un siège, je fais bélier, et j'utilise ma dextérité pour le repousser à l'extérieur, et après fermer la porte, fermer à clé. J'ai bien dit, j'essaie d'avoir la dextérité. Ok, et... Oh, t'as le cul bordé de nouilles. 24 et 36, ça passe. Oh. Tu réussis à renfermer le zombie dehors. Et j'essaie de verrouiller la porte. Tu essayes de verrouiller... Avec quoi? Résus. Fais levier avec les boîtes de thon qui restent. Levier? Qu'est-ce que tu veux que je foute, levier? Je les mets au niveau de la... Boîte de thon, non, c'est une idée de merde, donc ça passe pas. Tu casses une boîte de thon, donc c'est votre unique source de nourriture, donc voilà. J'essaie de foutre des objets devant la porte pour pas que ça s'ouvre. Il y a une chaise. Bah, je mets une chaise pour bloquer la poignée. D'accord, ça passe, on va dire que ça passe. Ok. Bon, sinon, je pourrais proposer d'ouvrir la porte, de jeter le thon aux zombies, pas prêt. Ouais, c'est comme tu veux. Non, j'ai bloqué la porte avec la chaise, c'est bon, hein, c'est bloqué. Ouais, écoute, vous pouvez sortir du placard, tout est en sécurité. Vous n'êtes pas des zombies. Ok, non. J'ai une question pour toi, monsieur dans le placard. Quoi? Est-ce que les zombies, ils parlent? Les zombies, mais non. Bah alors, on n'est pas des zombies. Vous pouvez sortir, vous pouvez nous faire confiance. Bah oui. D'accord, très bien, je sors. Qui êtes-vous? Moi, j'appelle Pignolin. Et moi, je suis le docteur Résus. D'accord, je suis le docteur... Excusez-moi. Je suis le docteur Ambrosien. Docteur Ambrosien. J'ai été embauché dans ce centre de recherche... Un mois à peu près avant que ça se passe, que tout se passe. Mais qu'est-ce que s'est passé donc? Écoutez, j'étais là pour tester des maladies, des choses comme ça pour l'armée. J'ai été très productif, ou peut-être trop. En tout cas, j'ai créé quelque chose. C'est moi qui ai créé les zombies. Bah, je te mériterais de prendre une claque dans le goul, toi, tu vas pas comprendre. Hein. Attends, allez-y, dites-nous. Écoutez, je voulais vraiment pas faire ça. J'ai été payé, j'avais un bon job. C'est tout ce que je voulais. Je voulais pas détruire la Terre, je vous promets. Tu peux inverser la tendance. Faut que tu crées l'antidote. Mais l'antidote, mais je suis pas capable de faire ça, c'est pas mon boulot. Pourtant... Écoute-moi bien. Quand t'as devant une tuyauterie qui est cassée et que t'as que clé de 10, c'est qu'il faut une clé de 12. Et bah, tu te démerdes, tu mets toute la bonne volonté et t'arrives à réparer même avec quelques 10. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? En gros, c'est pour dire, t'as réussi à créer cette merde, l'eau, bah t'es capable de faire l'inverse. Écoutez, on vient d'un centre, non loin d'ici, à côté du village. Dans le village, oui, le centre souterrain? Oui. Ouais. Il est encore en marche? Il est encore en marche, oui. Ils sont une trentaine à l'intérieur et c'est eux qui nous ont envoyés ici. C'est peut-être un espoir, alors. Et ils croient en vous, en plus, hein. D'accord. Écoutez, ce que je vais faire, c'est. Je vais vous donner les échantillons. Vous allez le remettre Non, je vais y aller avec vous. J'en peux plus de rester ici. Très bien. Jusqu'ici, j'ai essayé d'étudier les zombies pour voir si je pouvais trouver quelque chose moi-même, mais j'y arrive pas. Monsieur ? Oui. Je veux pas foutre la zone, hein, mais derrière la porte, t'as 30 zombies, comment qu'on fait pour sortir ? Oh, putain. Ils sont attirés par quoi ? Ils sont attirés par le sang, par... Je sais pas, j'ai pas fini mes recherches encore. Oh, en tout cas, il y a la fenêtre qu'on peut... Il y a une fenêtre, on peut la casser. La casser, elle peut pas l'ouvrir simplement. Ouvrir quoi, la fenêtre ? Bah oui. Mais non, je vous l'ai dit, c'est un endroit chimique. C'est un endroit stérile. D'accord. Ouais, bah excuse-moi, garçon. Bon, 12 ans de lutte syndicale pour avoir une fenêtre. Bon bah la casse alors. Oui, hein. On la casse, oui. Qui c'est qui la casse ? Résous, tu vas casser la fenêtre ? Je sais pas, moi, je vais essayer de la casser, c'est parti. D'accord. Quand à ce moment-là, la porte cède et 3 zombies entrent dans la pièce. Ah, c'est pas possible, tous les objets sont devant la porte, on n'a plus rien contre nous. Il faut... À 3, vous vous mettez à essayer de forcer la fenêtre, vous n'y arrivez pas. Non ! C'est pas possible. Ok, je vais tenter un truc complètement con. Je vais essayer de me couper un doigt et je vais leur jeter. T'es prêt à faire ça ? Bah écoute, au bout d'un moment, ça tirera pour l'odeur du sang. Le truc qu'il faut faire d'abord, comment faire un tuyauterie quand je me coupe ? Bon, avec que ça saigne trop, je me fous de l'alcool dessus. Il doit y avoir de l'alcool là-dedans, non ? Écoutez, non, je peux vous soigner. Par contre, c'est pas une si mauvaise idée, ça peut marcher. Bon, bah vas-y, je me cisaille le doigt. Dextérité, combien ? 68. Tu réussis à te couper le doigt très proprement, c'est du travail de chirurgien, bravo. Oh ! Ah, encore, par contre, ça pique, hein, donc on va soigner le trou de face de sortir de là. Je vous fais un point de compression directement. Merci. Lancez-leur le doigt. Zombie de mêleur ! 2 zombies se dirigent vers le doigt, ils ont senti l'odeur, mais un autre se dirige vers vous. Vous remarquez en haut à droite de la pièce une espèce de petit boîtier électronique qui a l'air d'être relié aux fenêtres. Ah, regardez par ici, un boîtier électronique qui semble être relié aux fenêtres. Ah, dedans que t'as l'œil, Résus, hein. Je propose qu'on appuie dessus. Mais il y a pas de bouton dessus. Le zombie est plus qu'à 2 mètres. Ok, dépêchez-vous. J'essaie. Prends la boîte de thon et jette dessus. Oh non, c'est notre seul. Bon, allez, hop, je lance la boîte de thon. Dextérité, combien ? 11. Tu la. Non, 93, tu la lances sur le mur, ça te revient dans la tête. Attends, je récupère la boîte de thon et je la lance. Moi, j'ai 68 en dextérité. D'accord. 60, ça passe. Tu réussis à casser la boîte et la fenêtre a l'air de pouvoir coulisser maintenant. Vas-y, tire à la fenêtre. À ce moment-là, un zombie profite de l'état léthargique de Jean qui s'est pris une boîte de conserve pour le mordre au bras. Les 2 autres compères l'emmènent et se dirigent à grands pas vers la ville où ils vont essayer de recevoir des soins. Allez, respire à fond. Laissez-moi là, je suis comme boulet. Non, il a raison, calmez-vous. Plus, c'est comme avec les serpents, plus votre rythme cardiaque sera lent, moins vite. Ça va se propager. Voilà. Ok, hey, tu sais quoi ? T'as qu'à penser à tes stagiaires qui t'amènent le café là. Tu sais, Détendez-vous. Donne des ordres dans ta tête, genre toi, va faire ci, toi, va faire ça. Le regard de Jean commence à changer. Doc, faut accélérer, donc faut courir plus vite. Là. Les 3 compagnons se dirigent le plus vite possible vers le centre. Ok. Et le docteur Résus commence à marcher de plus en plus lentement. Les 2 autres compagnons vont devoir décider s'ils le gardent ou s'ils le laissent là. Okay, qu'est-ce qu'on fait, Doc ? Je sais pas, je... Écoutez, là en tout cas, il va se transformer en zombie, c'est sûr. Ah bah bordel de... On peut essayer ici. Écoutez, si on amène l'échantillon aux autres scientifiques, peut-être qu'ils trouveront un antidote et qu'on pourra le ramener. Ok, bon. Et si je lui fous un peu de mon sang juste en dessous du nez avant qu'il se transforme, il aura mon odeur sous le nez, non ? Ouais, il va vous attaquer en premier, mais c'est une idée. Oui, mais c'est-à-dire que si je fais ça qu'après on court, il va garder mon odeur sous le nez. C'est peut-être ça pourrait marcher. Voilà, donc si on fait ça après on le tend à piège, on l'attrape comme une carotte pour un âne. Voilà, c'est ça. Donc ouais. Je retire la compresse d'un seconde et je le fous un petit peu sous le nez avant qu'il se transforme, je remets la compresse et on se taille. D'accord, ça marche. T'as combien en dextérité ? 68. Et 51 d'intelligence, parce que c'est l'intelligence que j'ai dit. Putain, ça passe, t'as le cul bordé de nouilles. Je voulais qu'il te bouffe un doigt, tant pis. Donc, l'équipe réussit à faire marcher Jean à la carotte. Comme un... Et les 3 compères se dirigent à présent vers l'entrée du souterrain, où ils sont accueillis par les scientifiques. Jean est placé... Enfin non, Docteur Résus est placé dans une prison. C'est un empire. Il est collé, hein, le coco. Et après 2 semaines où les deux compagnons ont raconté leur histoire, l'antidote est enfin trouvé et on le teste sur Jean. On va donc avoir la scène finale. Jean, c'est qui, Jean? Docteur Rhesus. Si, écoutez, si mes collègues ont fait le boulot, cette seringue, ça devrait lui rendre son état normal. Mais comment on fait quoi pour le piquer? On lui tire dessus avec un fusil? Pourquoi? Mais fusil, tu sais, comme les bestiaux pour les anesthésiés. Ah oui, oui, on a ça, on a un fusil à anesthésiant. Ah d'accord, j'ai eu peur. Ouais. Et on va faire un dernier G final pour savoir si Jean va ressortir de son état ou pas. C'est une chance sur deux. Et c'est un échec. Donc Jean est négatif à l'antidote. Ainsi, l'histoire est finie. Ah bah fais suer quand même, hein. On sait désormais que l'antidote doit être administré dans les 24 heures après la morsure. Et quelque part, les 3 héros, dont Jean, ont apporté la lumière au monde. Hop là. Merci pour cette impro. Eh bah la vache, c'était prenant, hein. Ouais. Ah mais franchement, on est plongé, mais vraiment dans l'histoire. Ah moi j'étais à fond dedans. Maintenant je parle comme ça tout le temps, j'ai comme un coach chez moi. C'est dur de se retenir de. Pied pignolin là, je te jure. Pignolin, docteur Rhesus quoi. Tu l'as vrai, j'ai eu du mal avec vos noms. Hein. Ah non, t'inquiète. Non, mais c'est. Non, franchement, ouais, c'était vachement prenant. Vous avez quand même eu le cul bordé de nouilles, hein, je le redis, mais bah, une chance tomber. J'ai quand même sauvé les miches de tout le monde à plusieurs reprises. Je me suis coupé un doigt, tout ça pourquoi? Pour qu'il reste un zombie. Mais c'est vrai cette idée à la con. T'as fait un 9, donc au moment de couper ton doigt, t'as fait un 9. Parce que moi, je m'apprêtais à, je sais pas, te faire la gangrène. Si tu rates, y a pas de souci. Ouais. Mais là, non, voilà. Bah écoute, j'y ai pensé au dernier moment. Bah, merci beaucoup pour cette improvisation de jeu de rôle post-apocalyptique. Avec grand plaisir. On va finir tout à l'heure avec la dernière improvisation, à savoir on va parler de nanar, donc de mauvais films, donc ça va être rigolo a priori. En attendant, on écoute Coldplay versus Bon Jovi avec Living La Vida. Booba versus Carus. Octogone, à tout de suite sur Indestar. Octogone sans règle. J'ai vu de la lumière, 21h-23h sur Indestar. Place à l'impro. Place à l'impro, place à la dernière improvisation de ce soir même. Ça va toujours? Oh bah oui, toujours, ça va. Ouais, ouais. Ben oui. Oh, la dernière, hein, tout ça. Alors, cette improvisation va être un genre de film assez particulier puisqu'on va parler de nanars. Alors, un petit laïus peut-être sur les nanars. Pour ceux qui ne connaissent pas, les nanars, c'est des films qui sont tellement mauvais qu'ils deviennent rigolos et très agréables à regarder. Ok. À la différence des navets, du coup. Tout à fait. Voilà. Les navets, c'est des films juste chiants. C'est mais mauvais aussi. Des exemples de navets? De navets? Oh bah... Sans vouloir... ouais, tous les Joséphine Ange Gardien, plus belle la vie. Je pensais à ça. Après, on était tous sur la même longueur d'onde, ça fait plaisir. Ouais, ouais. C'est toujours un petit peu subjectif aussi, les navets, hein, techniquement. Bon, les nanars, c'est un film donc qui est tellement mauvais que ça devient rigolo à regarder. Les ingrédients d'un bon nanar, c'est quoi? C'est des acteurs qui cabotinent, un scénario qui est aux fraises, des décors, bah là on n'aura pas l'occasion de faire des décors bien sûr, mais des décors nuls, des effets spéciaux à chier, des choses comme ça. Est-ce que la Cité de la Peur peut rentrer dans la catégorie nana? Alors non, mais Red is Dead qui est dedans, oui. Tout à fait. Ok, d'accord. Voilà. Est-ce que c'est clair pour les nanars du coup? Ouais. Donc, en gros, tout ce qu'on a le droit de faire aux fruits, on peut le faire là quoi. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Ça marche. Pour le fruit, bravo Théo. Mais non, mais au contraire, c'est une marque de fabrique du fruit, il faut être fier. Hein. Donc ouais, vous en tant qu'acteur, je vais vous demander de cabotiner à mort. Yes, de eyes. Jouer mal, de jouer mal, voilà. Ok, ça marche, pas de soucis. Ok. D'être aux fraises sur les dialogues, voilà. Ok. Le scénario de ce nanar, ça va être. Et pas aux framboises. Quoi? Oh oui, aux fraises, oui d'accord, ouais, c'est bon. On commence direct, hein. Ah, fin de soirée. Fin de soirée pour tout le monde, allez hop. Qu'est-ce que je disais moi? Film de monstres, oui, parce que les nanars, il y a beaucoup de nanars qui ont été tournés dans les années 80, qui sont des films de monstres, et donc un film de monstres, quand on n'a pas de budget, ça fait des choses complètement abracatabrantesque. Oh putain, mon compte double au Scrabble, ouais, c'est ça. Clair. Donc les personnages de cette improvisation, ça va être... Alors je vais pas donner de nom, ça va être Jackie la frite. Jackie la frite. Ouais. Pignolin, quoi? J'adore. Qui veut faire Jackie la frite? C'est un petit peu le personnage principal. Genre, tu veux que je fasse Jackie Lafitte ? Jackie Lafitte. Je fais Jackie Lafitte. Ouais. Jackie Lafitte, tu es agent d'assurance. Pardon. Le deuxième personnage, pour l'instant, ça va être Tonton. Tonton, ok. Ouais, c'est juste Tonton. Tonton, ouais, Tonton. Tout le monde l'appelle Tonton. Il est éleveur de moutons. Okay. Éleveur de moutons, Tonton, bon, on est bien. La vache. Tonton l'éleveur. Donc, Tonton, tu es bien sûr le Tonton de Jackie Lafitte. Ok. Putain, la vache, c'est divers et variés les métiers dans la famille. Hein. Ouais, agent d'assurance, éleveur de moutons, bon, bref. Donc, la première scène, ça va être tout simplement où le Jackie Lafitte va voir Tonton dans son élevage. Ok. Tonton, ils sont très amis, ils sont très copains. Pour Tonton, Jackie Lafitte, c'est sa seule famille qui reste. C'est son neveu, c'est lui qui va avoir toute l'exploitation à sa mort. Et donc, il aime bien lui faire visiter un petit peu, lui montrer les bêtes. Ok, ok. Donc, Tonton va montrer les bêtes à Jackie Lafitte. Ça fait bizarre déjà. Et il va lui montrer un agneau. Un agneau nouveau-né qui a les yeux complètement noirs. Ok. Et qui est bègue. C'est-à-dire que... Exactement. Ok, ça marche. Et on verra après ce qui se passe. Est-ce que c'est bon pour vous, en tout cas? C'est bon. Ça marche. C'est donc, on récapitule, faut qu'on joue super mal et qu'on cabotine à balles. C'est ça. Ok. On se retrouve donc dans la ferme de Tonton, où Jackie Lafitte est venu lui rendre visite. Ça marche. Alors, petite. C'est des bruits de forêt la nuit. D'accord. Okay. Mais j'ai le droit parce que c'est un nanar, donc ça n'a aucun sens. D'accord. Et ça passe très bien. Et si vous n'êtes pas content, je vous mets un téléphone au milieu de la pampa. Voilà. Ok. J'adore. C'est parti. Ouais, c'est le Tonton. Oh, ben voilà, toi. Voilà. Ben, mon petit-fils, le meilleur. Top 50 dans les ventes d'assurance cette année, mon coco, hein. C'est pas vrai. Bah si, qu'est-ce que tu crois, mon frère? En plus, je te remercie vraiment parce que t'as pu assurer vraiment la ferme, tous les produits. On est d'accord, tous les moutons assurés, ça fait cher, mais enfin bon, tu sais, moi je t'aime bien. Ouais, bah merci, mais franchement, mon gamin, merci beaucoup. Bon, ok, d'ailleurs, comment qu'avoir les bestioles? Ah bah écoute, ça va très bien jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe donc, Clo? J'en ai parlé à personne. Parce que j'ai pas envie que les copains se foutent de ma gueule ou me traitent de sorcier. Surtout que t'as pas de copains, mais enfin bon, vraiment là. Hein. Bah c'est clair, c'est ces enfoirés. Enfin, je veux dire, ils me disent toujours que Mike Brandt est plus fort que Johnny. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais il faut. Quoi? Ils ont dit ça? Ils ont dit ça, mais t'es que je t'aime! Que je t'aime! Johnny, il est dans nos cœurs, là, qu'est-ce qu'ils nous font? Exactement, à jamais. Regarde mon tatouage. Oh putain, il est beau, bah moi c'est celui de Laetitia, regarde là. Oh purée, quand on les colle ensemble, ça fait Johnny. Regarde sur des bisous. Bonheur, faut voir les moutons. Monsieur Tonton, je vais te demander de montrer l'agneau un peu bizarre qui bègue et qui a les yeux tout noirs. Suis-moi. Ok, je te suis. C'est parti. Ah, tiens, hop, pousse-toi, Germain. Tiens, hop, voilà. What the Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Écoute, On dirait une mobilette, le bordel, qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais justement, écoute, c'est arrivé hier soir. J'ai entendu cette mobilette, ce que je croyais être une mobilette au milieu du champ. Ouais. Je suis arrivé et je l'ai vu là. Alors, regarde, je vais Ouais, là, mais là c'est... Mais il est genre blados en plus. Bah oui, mais regarde ses yeux. Mais il a pas d'yeux. Mais t'as vu, regarde, mais si, regarde, il a des yeux, mais ils sont tout noirs. Regarde, ah putain, c'est ses yeux, ça. C'est ses yeux, bien sûr. C'est ses yeux, ça. Voilà, c'est pour ça, et jusque, regarde ce qui se passe quand je commence à toucher au niveau de son front. Regarde. Ouais, il me rappelle Tata Yvonne un peu quand même, non? Bah justement, je me demande si c'est pas Tata Yvonne qui est venue la posséder. Ah putain, ça m'étonnerait pas. Elle était totalement barjot. Elle adorait la mobilette en plus, Tata Yvonne. Oh, c'est vrai. Après, elle avait toujours ce problème avec le démarreur, tu sais. Bébé. Je t'avais dit qu'il fallait pas qu'on joue avec le fromage de Ouija. Non, mais ça c'est sûr et certain, mais en même temps, on avait du fromage en râpe, il fallait qu'on fasse des trucs. Bah oui, il fallait qu'on fasse des trucs, et normalement on dit qu'il faut pas toucher à ces choses-là, ben on a essayé d'invoquer son esprit, bah et voilà que je trouve c'est bestiole là. Franchement, il y a de quoi te marrer quand même quand tu tapes sur le front. Vas-y, je tape sur le front de l'agneau, on va voir ce que ça fait. Moi. Tu vois. Regarde. Attends, si je retape. Attends, c'est au top en même temps. Où il est, mon journal? Oh putain, c'est la phrase de... C'est la phrase de Taïwan, ça. C'est pas possible, c'est pas possible. Me dis pas que c'est... Oh, c'est pas vrai. Écoute, ne dis rien aux autres pour l'instant, d'accord? Faut vraiment que ça reste entre nous. Ah bah t'inquiète pas, tonton, je peux pas dire à toi. Mais le problème, c'est que justement, partout où elle passe, ben, ça fout mes plans en l'air, quoi. Regarde, j'avais un rendez-vous avec une petite cocotte. Ah ben, elle a annulé. Au dernier moment, je sais pas pourquoi. J'avais une plantation qui devait pousser. Eh ben, regarde, elle a fané, regarde. Ah bon? Regarde, justement, je pense que ce mouton est maudit. Sur ces entrefaits, Jackie Lafrite s'en va parce qu'il a autre chose à faire. Il faut qu'il reprenne le travail. Et donc, on va le retrouver le lendemain. Pendant sa pause déjeuner avec son collègue, comment je l'appelais, Beauf, je l'ai juste appelé Beauf, slash con. Et donc ça va être toi, Jean, bien sûr. Et vous allez déjeuner tranquillement devant la télé et il va se passer des trucs. Voilà. Ok. C'est reparti. Tu es vendeur d'agence d'assurance, hein, bien sûr. C'est parti. Oh là là là là là là là. Galère, tiens. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah là, j'en ai ras le cul, j'ai dû encore vendre des assurances à la petite vieillité du deuxième là, qui habite tout au-dessus de l'entreprise. Oh, apparemment c'est galère à lui faire entendre les choses à celle-là. Ah bah me fais pas dire, tu veux un peu de cassoulet? Oh, je veux bien, je veux bien. Tiens. Ah oh, merci, je te remercie. Ah bah de rien. Hein. Oh, ça me oh fait là, eh bah eh. Oh, c'est effet immédiat. Ouais bah oui. Ouais, bon allez. T'as une petite mine, dis donc. Les titres du journal. Attends, télévisé. Écoute, aujourd'hui, on apprend dans le Bouchenois à un éleveur, l'éleveur bien connu qui s'appelle Tonton, Quoi? A été retrouvé décédé dans la Quoi? Journée. Mais Martine, mes fiches là, putain, elles sont. Tonton. Décédé dans la journée dans des circonstances mystérieuses. On reprend tout de suite la météo. Mais arrête de m'engueuler, tu me stresses encore plus. La météo par Evelyne Gagleba. Mais non! Dis-moi! Tonton, il est mort! Ah, c'est bien ce que je me disais, c'était ton tonton. Bah ouais, mais j'ai vu hier soir, peut-être la calamine, le con. Bah, je suis désolé pour toi, mais j'ai une question qui. Bah, dis-moi. Du coup, elle est libre, la ferme? Non, elle n'est pas libre. Parce que, donc, Jackie Lafrite est le seul héritier. Et donc, il va se précipiter dans la ferme de son tonton pour savoir ce qui s'est passé. Sur les lieux, il y a un inspecteur de police. C'est son nom. Inspecteur de police. Prénom inspecteur, nom police. Voilà. Et il est là, il va expliquer la mort dans des circonstances bizarres. Et suite à ça, Jackie Lafrite va décider de dormir dans la ferme parce qu'il va remettre ses affaires en ordre et voilà. C'est reparti. Bonjour inspecteur. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, vous n'avez pas le droit d'être ici. Mais non, mais attendez. Qui êtes-vous? Je suis Jackie Lafrite. Ah, vous êtes le neveu du regretté tonton. Oh oui. Enchanté de police, inspecteur de police. Enchanté de police. Ah putain, c'est un beau prénom ça quand même. Hein? Oui, je sais, c'est congolais. Ah, je me disais aussi. Écoutez, nous sommes vraiment désolés pour ce qui est arrivé à votre tonton. Justement, nous enquêtons là-dessus et s'il y a bien une chose que nous sommes sûrs. Ouais. C'est qu'on ne sait pas comment c'est arrivé. Mmh. C'est qu'il est mort aussi, non? Du coup, il est mort, oui. Et, ouais. Parce qu'on a essayé de l'appeler et... Bah, il n'a pas répondu. On a essayé de lui proposer de l'eau. Mais... On a compté jusqu'à 5. On a essayé la position en PLS. Yes. Et il n'a pas répondu? Il n'a pas répondu. Ah putain. Pourtant, il était bon en apnée, ce con. Hein. Il était bon, ouais, justement. Ouais. 4 fois médaillé olympique. Ouais, et dans le Larzac en plus, hein, ça ouais, déconne pas. Hein. Vous me tuez. Donc, dans... Jackie Lafrite décide de dormir là. Donc, la nuit arrive. Jackie Lafrite est dans son lit et il va entendre des voix mystérieuses. Qu'est-ce que c'est? Multix? Jackie, tu n'aurais jamais dû venir là! Waouh, t'as mis longtemps à faire cette fois. Mais c'est qui parle là? Hey, je vais lui casser sa gueule dans 2 secondes, on va pas comprendre. Ben, c'est moi! Tonton? Non, c'est Tata Janine. Non. Yvonne? C'est notre... Suzanne. De quoi c'est... Suzanne aussi, elle est morte. Oui. Ah non, c'est Tata... Attends, il y a Tata Yvonne qui est morte, qui était dans l'agneau. Là, c'est Tata Suzanne. Je suis Tata Suzanne. Mais qu'est-ce que c'est tout ça, vous tapez des délires à rentrer dans des moutons comme ça, là? Ne t'occupe pas de ça. Ouais, non, mais quand c'est le... moi qui ai tué tonton. Parce qu'il était trop méchant avec les agneaux. T'as tué mon ton? Non, tonton. Oui, c'est bien ce que tonton. Je dis, mon ton. Pourquoi qu'est-ce que tu fous avec mon ton? Non, j'ai tué tonton. Tonton. J'ai compris. Mais là, qu'elle me parle de poisson maintenant. Mais oui, tonton. Je tue tonton. Oui, tu tues. Tonton, c'est tata. T'as tué. Attends, j'ai récapitulé. Je suis mort derrière le télé. Elle vient parler de poiscaille. Tu tues tonton et tata. Mais je comprends pas quand tu parles comme ça, ça déconne. Bon, moi, tata, tue tonton, t'entends? Roy Enoch. Après cette nuit riche en péripéties et en éclaircissements sur le scénario, on retrouve l'inspecteur de police et Jackie Lafritte qui décide de, enfin Jackie Lafritte décide d'appeler l'inspecteur de police pour lui expliquer ce qui s'est passé. Que si t'as compris. Sa tata est réincarnée dans le corps de l'agneau. Et donc, ça va être toute la scène un peu cliché du mec qui a la vérité et qui va essayer de l'expliquer, mais l'autre ne va pas le croire et il va y avoir des morts comme ça. Ainsi de suite. C'est reparti. Hop là. Allô, inspecteur ? Oui, oui, oui, ouais. C'est moi. Alors, je me permets de vous appeler. Comment que je vais vous dire ça ? J'ai compris l'affaire, en fait, de la mort de tonton. Ah bon ? Expliquez-nous, éclairez-moi là-dessus. Alors en fait, j'ai eu deux décès d'abord. J'ai la tata Suzanne et j'ai la tata Yvonne. Très bien, mais c'est tonton. Non, c'est mon ton, c'est pas tonton. C'est votre ton. Oui, et toi, tu as ton ton, moi j'ai mon ton. C'est mon ton, mais pourquoi vous me parlez de ton? Bah je sais pas, parce qu'en fait, j'explique juste avant ça, il y a une voix qui a parlé qui m'a dit « C'est tata qui a tué tonton, t'entends ?» Tonton, oui j'entends bien, mais votre ton, qu'est-ce que votre ton a à voir là-dedans? Bah justement, je me pose bien la question, mais enfin, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, les deux tantes, et je parle de mes... Enfin, pas les tantes... Enfin, vous avez compris, quoi. Oui, oui. Voilà. Et bah, elles sont réincarnées dans le mouton. Très bien. Donc, vous avez des... Tantes qui sont réincarnées dans un mouton. Vous avez des tantes moutons. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est chelou, hein, je sais bien. Alors, c'est les tantes moutons qui ont tué ton mouton. Très bien, très bien, très bien. Et vous pensez que ce sont ces moutons tueurs qui ont pris la vie de votre tonton? Ouais, à peu près, ouais. D'accord, très bien. Mais ils ont aussi pris la vie de mon tonton, mais ça, j'ai toujours pas compris cette partie-là. Bougez pas, j'arrive. Très bien. Mon tonton, mais qu'est-ce que c'est un menton? Plus tard, l'inspecteur de police arrive. Bonjour, inspecteur, comment allez-vous, ben? Ouais, très bien. Et vous? Alors, bah, ça va toujours, hein? Voyons voir. Montrez-moi les deux moutons. Concerné. Alors attendez, c'est là que c'est rigolo, c'est qu'en fait j'ai entendu leur voix. Attends, et... Vous avez entendu leur voix, vous ne les avez pas vus? Non, c'est ça qui est rigolo. Et en fait on s'est pas compris quand on a parlé hier, parce que tata Suzanne, que je pensais être encore vivante, que je pensais aller voir la semaine dernière, enfin la semaine prochaine, elle est morte aussi, elle a cané. Très bien. Et du coup elle a cané et fiut, elle est rentrée dans le mouton. Okay. Après le mouton, pendant que je faisais dodo, il est arrivé, il m'a dit c'est tata Suzanne, j'ai tué tonton. Et à ce moment-là, on ne s'est pas compris sur la signification de tonton. D'accord, très bien, je vois. Ah, vous entendez là? Oui. Bon, voilà, c'est ça que j'ai entendu la dernière fois. Bah, ce n'est qu'un simple mouton. Ouais, mais écoutez bien. Je crois que vous essayez de me vendre une mobilette. Alors, comment vous dire que... Elle arrête pas de dire « mais... » Elle veut dire quelque chose, mais elle n'arrive pas. Plus ça va aller, plus l'inspecteur de police va être suspicieux concernant ce Jackie Lafritte. Et plus ça va, plus il va avoir envie de l'enfermer. Mais c'est pas compliqué, inspecteur. Je vous dis que les moutons, c'est tata Suzanne et tata Yvonne. Écoutez, je pense que vous avez... Il y a quelque chose qui louche. Je pense que vous êtes suspect dans cette histoire. Comment ça, je suis suspect? Je vous permets pas. Écoutez, je... Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Mais pourquoi je vous suivrais donc? Je suis en train de vous dire que j'ai compris ce que c'était passé. Non, vous ne comprenez rien. J'entends juste une mobilette et une histoire de tonton réincarné en tata. De... Écoutez, suivez-moi au poste. Mais c'est pas compliqué. C'est ma tante qui est rentrée dans un mouton, qui a tué mon tonton et il m'a dit tata. Oui, très bien, très bien. Suivez-moi. Bon, je vous suis, mais vous allez vite comprendre. Et pendant ce temps, à l'intérieur de la grange... Vous avez pas entendu l'eau? Qu'est-ce que... Écoutez, s'il y a quelqu'un... Je... C'était à l'intérieur, c'était à l'intérieur. Ah, d'accord. Ah, c'était à l'intérieur. Vous avez pas entendu, j'ai pété, inspecteur. Ça a fait tonton, abla. Très bien, très bien. Alors, écoutez. Ainsi, Jackie la frite se retrouva enfermée et les moutons tata purent accomplir plus de meurtres. Mais puisque je vous dis que c'est moi qui suis innocent dans l'histoire, j'ai résolu l'affaire. Écoutez, on vient de recevoir un coup de fil. Il y a plusieurs meurtres qui ont été opérés dans la ville. Sans déconner, tu m'en diras de bonne. Et vous savez quoi? Je pense que vous êtes innocent. Ah, bah dis donc, ça fait plaisir à entendre toujours. Ouais, bah écoutez, je vais vous sortir de là. Eh bah très bien, allez-y. Attendez que je retrouve les clés. Allez-y, dans votre poche arrière droite. Non, parce que non, je mets là, toujours les... Sur le bureau peut-être là-dedans. Sur le bureau. Les gars? Oui. Oui, c'est l'accessoire qui vous parle. Les clés, je suis désolé, mais on les a paumées la semaine dernière. Ah merde. Ah, parce que pour ouvrir le. Bah, du coup. Bah, c'est... ouais, je sais bien. Mais... Ah, mais là, ça me sort du perso, quoi. C'est un peu chiant. Donc, comment on fait? Non, mais ça a coupé. Mais par contre, vraiment, t'es enfermé, du coup. Quoi? Mais c'est pas grave, tu vas pouvoir te mettre dans la peau du personnage. Et puis... Mais je suis déjà dans la peau du perso, sans déconner. Bah, mais fabriquer. Mais qu'est-ce que vous foutez à me foutre dans une vraie cellule sans avoir les clés? Bah, ça fait plus réaliste. Bah, oui, c'est le cinéma. Mais toi, tu t'en fous, t'es à l'extérieur, qu'est-ce que tu parles? Oui, oui, bah écoute, calme-toi. Et l'odeur de merde, c'est dans le cinéma aussi, ou c'est vrai? Ah bah. Je pense non, mais vous déconnez, les mecs, sans déconner. On va pas acheter des accessoires alors qu'on en fait un tous les matins. Oh, bah, mais ça. T'es sérieux, c'est à qui ça? C'est à. Je crois sa foi. Mais non, mais Jean, tu déconnes. Ah, là. Non, mais ça va. Et oh, t'as vu ce qu'on bouffe hein, depuis. Non, mais t'es malade. Hein, bon, non, mais les gars, sérieux, là, on a trois scènes à faire encore. Je suis bloqué. C'est pas grave. On peut faire en sorte que ça tombe. Bah, justement, hey, c'est quoi? Tiens, prends mon téléphone et on va dire que tu m'indiques que tout par téléphone, du coup. D'accord? Et je me rends moi sur les lieux. Mais t'es au courant que c'est moi le personnage principal? Ouais, bah écoute, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis c'est, voilà. Non, mais c'est ce qu'on fait, on a qu'à réarranger le scénario, on fait que tu restes en prison jusqu'à la fin du film, d'accord? Quoi? Mais oui! Mais déjà, votre dialogue sur les tontons et ta tante, là t'appelles, tant, j'ai rien dit. Mais ça, d'accord, c'est des allitérations, ça, tu comprends rien. Mais enfin... si, j'ai bien compris qu'on passait pour des cons, mais enfin bon, quand même. Oh là, tout de suite. C'est clair, jamais content. Jamais. Bah, allez, ok, c'est bon. Donc je reste en prison jusqu'à la fin du film, voilà, j'ai c'est, un... ça, okay. C'est ça. Ok. On fait la scène de fin. La scène de fin, mais il y a 6 scènes là. Oh, bon, allez, vous savez quoi? C'est bon, vous m'avez saoulé, on fait. Vas-y. Action. Ah bah qu'est-ce que vous a dit? Du coup, c'est vrai, vous avez raison. Ce que je propose, c'est que pour votre sécurité, je vous donne mon téléphone portable et vous allez m'indiquer les règles à suivre. Et pourquoi tu parles comme un robot? Je suis désolé. Pourquoi tu allez, parles comme un bon, robot? C'est bon, elle est bonne, les gars, on n'a plus le budget. Comment ça? Quoi? Bah là, mais voilà. Ah non, bah là, j'ai eu le producteur au téléphone. On n'a plus le budget, donc la scène est bonne et puis le film va sortir comme ça. Okay. Il va sortir comme ça. Bah ouais. Il parle comme une machine à café et puis. Écoutez, vous aviez qu'à me jouer, hein. Vous jouez comme des clichés, c'est pas ma faute, hein. Bah excuse-nous, mais là, moi je suis enfermé dans une vraie prison, d'ailleurs j'aimerais bien sortir. Mais justement, t'as tout le temps de méditer à ça, d'accord? Même l'apéro là, bientôt. Par contre, l'acteur, tu seras pas payé, donc si tu veux faire un procès pour détention illégale, c'est peut-être comme ça que t'auras ton salaire, voilà. Bon ouais. Bah. Oh putain. Eh ben, que d'aventure. J'avoue. Ah, le tonton, le tata, le monton, là. J'adore. J'étais plié. J'espère que c'était bien vu de l'extérieur. Moi, je trouve ça très drôle. J'ai tué tonton. Monton? Non, tonton. Non, tonton. Non, monton. Tonton. Tonton. Surtout, t'as fait. T'as un temps. J'étais la putain le roi Enoch est parmi nous. C'était donc la dernière improvisation de ce soir. C'est peut-être une des émissions où on a le plus dépassé. Il est 23h40. Oh, au taquet. Au taquet. Petit retour sur l'émission peut-être? Est-ce que Jean, ça vous a plu? Jean, comment ça? Ouais, ben franchement moi ça m'a beaucoup plu. Puis bon c'est vrai qu'on se connaît quand même assez bien tous les trois. Mais là vraiment je vois que même si ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'impro, enfin c'est toujours aussi fluide. On arrive à se suivre et tout ça et c'est vraiment top quoi. Donc on se fait confiance et puis ça part dans des gros délires. Ouais, c'est clair. Et ça fait plaisir. Non franchement ouais les thèmes sont super variés, bien réfléchis et ouais tu nous as bien mis. L'idée. Ouais franchement vous top. Je vous mets bien. Tu nous mets bien. T'as vu? Tu nous as regardé. Ah. C'est sûr, on est là. Ah non, nous on n'a pas bougé. Non, c'est vrai, c'était vachement cool. Comme d'habitude, on s'est marré du début à la fin. Ce JDR était exceptionnel. Bah, c'était un plaisir de faire ça avec vous, en tout cas. Moi, je me suis bien éclaté avec mes petites catégories à la con. Ah, plaisir partagé. Hein. C'était très chouette. Merci à vous. Merci à vous, auditeurs, d'avoir écouté jusqu'à la fin. Grave. Souvenez-vous que les émissions sont disponibles en podcast sur le site de indestar.fr, sur Spotify, Deezer, iTunes et plein d'autres plateformes de podcast. Donc, n'hésitez pas. Ah, bah, oui, hein. C'est bon, ça. Et... Allez, abonnez-vous. Hein. Abonnez-vous, sinon on vient chez vous, vous cassez la gueule. Je vous jure, vous entendez le collège, ça va faire des bobos. Waouh. J'adore. Il y a trois Rambo qui parlent d'un coup, ça fait bizarre. Ah ouais, c'est clair. Il faudrait John. John fait très bien le babouliné. Le babouliné. De Mosinor, ouais. Ou Sylvestre. J'ai pas mes guerres. C'était pas de guerre. Ah, on a un message de Laura Hubert qui nous dit vous avez géré, bravo. Ouais, bah merci bien, merci à elle d'avoir écouté. Exactement, oui. On lui fait des bisous. Et un dernier mot pour finir peut-être On peut finir par Chinchai. Chinchai. Chinchai. Chinchai. Laura, si t'entends ça, Chinchai. Chinchai. Voilà. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin. On vous revient la semaine prochaine avec de nouveaux invités. J'ai vu la lumière, 21h-23h. On vous souhaite une belle soirée et des bisous. Des bisous. Bisous. Vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.